Parlons sexe. Parlons sexe. C'est fou le sexe. Ah. Bienvenue à C'est fou le sexe en ce merveilleux 20 mars 2018. Il est de bonne heure ou il est pas assez tard. C'est le printemps. C'est bon matin tout le monde. Ce matin, c'est le printemps. Oui. Il fait frais. Bonjour. Pas avec la température non, qu'on voit frais. Dehors. Il paraît qu'à Yellowknife ce matin, il fait moins froid qu'ici. Écoute. Je sais pas pourquoi j'ai pas de misère à te croire. Et moi, la j'ai pas remarqué qu'il faisait froid. Ben, la semaine passée, il faisait super beau, super chaud. Puis là, c'est la galère. On se croirait en plein mois de janvier avec un moins 30 dehors. Je sais pas combien il fait, mais c'est l'impression que j'ai dans mon visage. Puis on entend les bruits de feuilles à pierre. Ça nous manquait, Pierre, hein? Savais-tu? Sérieux? Ben, on a demandé à notre invité la semaine passée de nous faire des bruits de feuilles. Ah, écoute. Ouais. Non, un bruit si réconfortant, Pierre. C'est vrai? Ah, ouais. Ouais, c'est vrai. Puis, avez-vous passé une belle semaine? Oui. Oui. Ben, je ne sais plus si je vis de jour ou de nuit, parce qu'on travaille quand même beaucoup sur la fameuse pièce de théâtre burlesque. Hein? Tiens, la semaine prochaine. Oui, le 27, ça s'en vient. À grands pas. Par ailleurs, l'écriture n'est pas finie. Il y a certaines scènes, en fait. Qu'est-ce que je t'ai dit que tu allais le finir à 3h l'après-midi? Je vais finir à 3h l'après-midi, la veille au soir. C'est clair. C'est mon genre, mais en même temps. Ça va donner. Ça devrait donner. En fait, les scènes principales sont écrites. Et dans le fond, ce qui reste, c'est le peaufinage, les petites scènes supplémentaires qui amènent le rythme. Et qui amène des choses intéressantes, mais ça fait longtemps que le squelette et que les scènes principales sont montées. Là. Mais aujourd'hui, on a une grosse journée avec deux invités. Notre premier invité qui est Alfonso. Quel nom est quand même inspirant à l'érotisme. Oui, vraiment. c'est un fidèle auditeur. Oui. Assidu qui a voulu se prêter à notre émission aujourd'hui. Oui, on pourrait appeler ça la chronique de l'auditeur du jour. Ben oui, pourquoi pas? Et Alfonso porte une moustache qui tourne, hein? Vous remarquez? Oui. Ça donne un air un peu. Puis notre deuxième invité, c'est Anthony qui va l'avoir au bout du fil pour parler de notre sujet du jour. Oui, exact. Mais je vais vous la garder comme surprise tout à l'heure à 10h30. Ben, je pense qu'on pourrait quand même dévoiler à nos auditeurs notre sujet du jour. Oui, qui est le tantrisme. Donc. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le tantrisme, restez pendant les deux prochaines heures parce que ça va être fort intéressant. On va apprendre plein de choses. Ah ouais? Ah ouais. Ouais. Moi, j'ai envie de célébrer le printemps en place. Oui, j'ai tout le temps envie de... Avec le beau soleil. Puis aujourd'hui, on a Pierre. La semaine passée, on l'a pas eu. Ben oui, c'est hein? sûr. Ça vous a manqué, je pense. Ah hein? Oh, oui, Pierre. Ah oh, oui. Ah oh, oui. Puis on a aussi Mélanie avec nous. Bonjour. Oui, je suis loin. J'y suis. Bon matin, Alfonso. Bonjour, Alfonso. Alfonso. Quel nom érotique, hein? Alfonso. Ça me fait penser à... À Zorro, tu sais, dans... Ah! Ben, il doit porter un masque dans ses relations, lui, hein? Je veux dire, un masque BDSM, un peu de cuir. Il fait Zorro! Pas vrai? Oui? Ah, ça, je sais pas. Alfonso, est-ce que tu portes un masque? Ben, je croyais qu'on parlait de Zorro, aussi. Je pensais pas qu'on parlait de moi. Moi, je travaille simplement dans un café du lundi au vendredi, et j'adore écouter votre émission. C'est fin! On est tous en état de choc, en pamoison d'avoir Alfonso. Avec ta belle toune pour mettre dans l'air du printemps. printemps ce matin. Écoute, ça donne envie aux lapins de se reproduire, bon temps. Parce que ça quand même, le printemps, c'est... Ben oui, ça donne envie de copuler. Le printemps, rappelons-le, est la saison des amours. Bien sûr. Moment où les... ces jeunes du cégep viennent se reproduire ici à la chasse-galerie. Bon, tu seras produit. Ah oui, ben ça a l'air que ça pullule. C'est un esprit de copulation, mon cher Antoine. Ben c'est un peu comme la marche des pingouins, j'imagine. En fin de session, c'est les mardis soirs, les étudiants se retrouvent à la chasse pour faire la danse de séduction, c'est ça? Ça... Écoute, ouais. Ça, je suis pas au courant. Je suis trop vieille pour aller là. Pas tant que ça, franchement. Ben... La dernière fois que j'ai mis les pieds à la chasse, je me sentais comme une prof, tu sais. Une prof qui a pas d'affaires, là. Mais c'est pas ce matin que t'as mis les pieds à la chasse-galerie? Non. En tant que quelqu'un qui voulait déguster un verre, puis finalement, on n'a même pas dégusté un parce que c'était trop jeune. C'est les jeunes du cégep qui viennent de façon illégale à moins de 18 ans. Ben, je dirais pas de façon illégale parce que les portiers font quand même leur travail, rappelons-le. Ben, je le souhaite, mais la moyenne d'âge devait être de 18 ans et une journée. 18 ans et une journée. Et sûrement qu'ils viennent fêter leur 18 ans ici à la chasse. Anniversaire. Mais on les salue. Bon. Mais sur ce, mon cher Pierre. De quoi vas-tu nous parler ce matin, Pierre? De la prostitution dans la Rome antique. Il y a une série que je vais faire la semaine prochaine. Non, dans deux semaines, ça va être la prostitution dans l'Antiquité. Mmh. Alors donc, ça va être ça. Tu sais, je veux dire... là, j'ai juste un petit deux pages, fait que ça va quand même être... Ça va être expéditif, Seigneur Dieu. Oui. Alors, écoutez, la prostitution féminine ou masculine n'est pas réprouvée dans la Rome antique. Quand je parle de Rome antique, c'est évidemment dans le temps de l'Antiquité, avant la naissance du Christ, on se prend tout le temps une période, je dirais, de calcul en fonction avant ou après Jésus-Christ. Là, on est... dans la Rome antique, c'est bon, on va dire oui, avant l'arrivée du Christ, mais un petit peu quelques siècles aussi après le Christ. En fin de compte, l'Antiquité, ça l'a arrêté avec la chute de l'Empire romain, là, dans les années 400. OK, fait que, on va dire que, OK, à condition qu'il s'agisse d'esclaves ou d'affranchis, elle avait sa place partout dans la société antique. Il est impensable et moral d'imaginer de jeunes gens satisfaire leur ardeur avec des prostituées notoires plutôt que de s'attaquer à des femmes mariées. Les gens disaient ça, hein, s'il y avait plus de prostituées en fin de compte aujourd'hui, hein, puis c'était la même mentalité dans l'Antiquité, s'il y avait plus de prostituées, ben, il y aurait moins de viols. Chez les femmes qui sont pas prostituées. Il y aurait moins de séparation? Non, c'est parce que les prostituées se font violer aussi. Hein. J'imagine. Faut pas non plus oublier ça. Hein. Fait que donc cette mentalité-là, un peu croche, évidemment, elle était aussi... Est-ce que tu as écouté, Pierre, la série Fugueuse? J'ai écouté, je pense, deux émissions, puis j'ai pas eu le temps de... Non, parce que dans une émission, justement, la jeune qui se prostitue... se fait quasi-violer parce que l'homme ne voulait pas mettre de préservatif. Ah ouais? Puis, ça a été assez troublant, mais bref, ouais. Ça m'a fait penser à ce que tu es en train de... Oui, c'est très populaire, cette série-là. Hein? Oui, ça en parle beaucoup. Très choc. Oui, oui. Ouais. C'est un peu comme Cheval de Serpent. C'est la même chose aussi. Ça se passe dans un club de danseurs. Ça, j'ai pas écouté. Dans un club de danseurs nus, oui. OK. Ah, ouais, c'est bon. C'est cool. OK. Fait que, mon Dieu, je me perds un peu avec ça. Cette chose était évidemment moins grave que de commettre des... le stuprum, OK, qui était d'établir une pratique sexuelle avec une partenaire libre en dehors du mariage. Donc, ce qui veut dire que si tu avais un amant, une amante, tu étais marié, tout ça, c'était moins mal vu que d'avoir une relation sexuelle avec une prostituée que d'avoir un amant ou une amante. Hein? C'est quand même assez, hein? La prostituée ou le mignon, parce qu'il faut parler aussi, il y avait des prostituées masculines. Ils appelaient ça des mignons. Oui, des mignons. Pas des mignons comme dans la série, là, les mignons. C'est à ça que j'ai pensé. Non, les mignons. Mais on appelait aussi, dans le temps de la Renaissance, pour une femme, les mignons. C'est vraiment péjoratif. C'est une prostituée puis un mignon. Oui. Mais ça va avec l'époque, en fait, qui était un peu plus patriarcale, si on veut, j'imagine, de donner un nom plus péjoratif à la prostitution féminine que masculine. Mais c'était plus libre, hein? Faut faire attention avec ça. La féministe en moi vient être un peu... Quoi? Chamboulée. Ben oui, ça me frustre. Ah oui? Ça me frustre de, que les hommes, c'était « Ah, les mignons », puis la femme, ben, c'est une prostituée. Faut quand même remarquer que dans les sociétés guerrières, c'est toujours le patriarcat qui mène. Mm-hmm. Je sais. Et il y a des sociétés patriarcales qui deviennent matriarcales. Un peu comme, je fais une parenthèse, comme le pays des Vikings. Le pays des Vikings, hein, c'était des barbares, c'était des sanguinaires, puis c'était aussi des marchands, il faut oublier ça. Mais aujourd'hui, le pays des Vikings, c'est les pays scandinaves, et c'est très des sociétés socialistes et matriarcales. Et même c'est eux autres qui ont commencé l'éducation sexuelle. Fait que donc, il ne faut pas non plus voir non, ça dans ma vie. Non, quand même, c'est juste entendre ça, ça vient me grincher. Ben oui. Te faire gâcher des dents. Non, les oreilles, ça me fait comme. Ouais. Bon, écoute ça, Natacha. Bon, les prostituées étaient même associées une fois à l'an à des jeux officiels appelés les floralets. Okay? Les floralets? oui. Qui avaient lieu au moment du nouveau printanier. Ça se passait là, OK? Qui était destiné à honorer Flora, la déesse de la fécondité du plaisir. Le clou de cette fête était constitué par des prostituées de la ville qui défilaient nues, tout en prenant langoureusement des positions les plus subjectives, criait haut et fort les adresses et les tarifs que chacune d'entre elles faisait. C'était, on s'en doute, un moment fort attendu parmi les badauds rassemblés dont le vrai sens sur le jeu de leur fête était relié à la fertilité. C'est cool! Ben, t'avais tes chants allégoriques, là. Aujourd'hui, il y a des féministes qui font des marches nu-seins, puis ça choque des gens. Fait qu'imagine à cette époque... Oui, c'est ça. Fait que le temple de Vénus donnait un lieu de rassemblement pour les péripatéticiennes. C'est ça qu'on appelait, en fin de compte, des prostituées. Des péri quoi? Péripatéticiennes. Paripatéticiennes. Pas du paripanté, Natacha. OK? Natacha. Non, écoute, j'aime Natacha. Vraiment comme tu Natacha. Prononces mon nom, Natacha. Natacha. Pense plus à prostituer sans faire moins éveillé pour toi. Là où se faisaient les transactions les plus immondes, imagine ça. Les filles les plus laides, les plus misérables et les plus sales. Il y avait un masque. Ils venaient avant que le jour ne se lève. Et on pouvait également les retrouver dans la région de Soubourg, au nord du Forum. Forum du Colisée, là, OK? Communément appelé le Summernium. Fait que non, je répéterai pas, là. Qui voyait les femmes. Non, mais le Submenium, c'est le quartier des prostituées. Fait que ces femmes-là coûtaient moins cher. Parce qu'elles étaient laides. On les voyait tomber de la nuit, ou peut-être à lueur du matin avant que le soleil soit là. Les clients étaient soit des esclaves, des habitants du quartier, les plus miséreux de Rome, ou des jeunes fils de famille. C'est ça, j'ai une question. Comment les esclaves pouvaient se permettre des prostituées laides. Ben, c'était évidemment des esclaves. Pas coûter cher. Les esclaves étaient pas pour prendre des femmes qui étaient pas qui avaient pas une étiquette comme ça. OK, donc ils étaient destinés à aller voir des c'était prostituées. C'était comme des esclaves féminines sexuelles. Ben, y avait de tout là-dedans. Y avait même des prostituées nains, des naines. OK. Non, il y avait des naines aussi, puis des nains. OK. Hein? Je vais compter. Trop d'images pour mon cerveau. Non, mais au Moyen-Âge, on faisait le lancer du nain. Ah. au lieu du Seigneur... lancer du javelot, c'était le lancer Non, puis dans nain. Le Seigneur des Anneaux, on reprend ça aussi. Hein? Écoute, là, on va avoir des nains en furie. En furie qui vont nous écrire des insultes sur notre page Facebook. Non, il n'y a pas d'insultes, c'est comme ça. Bon, écoute... j'en prends parce que là, j'étais un peu perdu dans mon texte. Les clients étaient soit des esclaves, des habitants des quartiers les plus miséreux de Rome, ou de jeunes fils de famille venant faire les premières armes sexuelles. Bon. Aussi, on retrouvait des prostituées qu'on appelait les louves des sépultures. On les appelait les louves. Elles avaient fait les tombeaux, le lieu de travail. Au Moyen-Âge, c'était comme ça aussi. On rencontrait les prostituées dans les... dans les cimetières. Elle avait comme principaux clients des esclaves. C'est un beau lieu de date quand même d'un cimetière. Oui, c'est ça. Ça fait réagir à toi, hein? Natacha, ça allait chercher la fibre féministe en toi. Ben écoute. OK, bon. Comme principaux clients des esclaves qui entretenaient les bûchers funéraires, les détrousseurs de cadavres ou encore les mendiants venus voler les mets offerts aux morts, parallèlement, la prostitution masculine connut des aspects bien sordides. C'est quand même assez spécial. Tes bruits de feuilles. Oui, hein? Ça me titille à chaque fois. Ça t'excite? Je pense que oui. Ça me manquait. Donc, ça veut dire que... ça donne le frisson. Est-ce que tu... Aïe, si je fais ça comme ça, est-ce que... Attention, Pierre, il y a quand même des auditrices en voiture. On ne voudrait pas avoir d'accident. Là. Tu pourrais atteindre l'orgasme avec ça. OK, bon. Écoute, peut-être. On trouvait ce genre de prostitution des hommes dans les cabarets et tavernes à l'enseigne en forme de pénis. La dramatique. C'est des gars, là. Bon. Là où le jeune garçon efféminé, autant que le gros gaillard à la plus imposante, attendait fidèlement leur client. Tu sais? Il ne faudrait pas oublier que leur lieu était des endroits propices pour les prostituées des deux sexes, à rencontrer des clients. Sur les voûtes du Colisée de Rome ou des amphithéâtres, une catégorie supérieure de prostituées attendait les clients qui appartenaient aux couches sociales moyennes associées des spectacles. Elles se tenaient dans les maisons contenant plusieurs petites chambres munies de banquettes. Leurs murs étaient couverts d'obscénités. À l'entrée de chaque pièce, une peinture indiquait aux clients les spécialités sexuelles de l'occupante. On voit ça aussi à Amsterdam. Ben moi, j'ai vu ça au Musée du sexe à Paris, oui? Que j'en parle assez régulièrement, mais ça a été vraiment quelque chose qui m'a marqué, justement, qu'à chaque chambre, les clients choisissaient la demoiselle par la position qui était affichée. À Pompéi, c'est comme ça aussi. Ben, hein? J'imagine. Oui, ben, on a retrouvé des fresques dans les ruines de Pompéi. Hein? J'ai vu ces fresques-là, par ailleurs. T'es allé à Pompéi, toi? Je suis allé à Pompéi et j'ai vu les dites fresques. Et c'était intéressant, impressionnant, oui, hein? Même. Oui. J'imagine. OK. Certains riches praticiens se firent même construire à l'intérieur de leur demeure de bordel privé. Donc, c'était quand même assez lucratif. Pour les clans aisés, le summum du raffinement était de faire venir lors des banquets ou les matrones, des femmes d'âge mûr, corpulentes et vulgaires. C'est ça? Les matrones, c'était des femmes d'âge mûr, corpulentes et vulgaires, dans 40 ans d'à peu près. Fait qu'une MILF. Aujourd'hui, c'est même ça. Pas nécessairement, parce qu'on dit vulgaire et corpulente, donc. Une MILF n'est pas nécessairement vulgaire et corpulente. En effet, elle est juste d'âge plus... plus mûr. Avancé. OK. Comme Mélanie. Les matrones n'étaient pas conviées. Des filles qui savaient danser, chanter, entendre des fins de repas pour quelques agréments qualifiés, si on peut dire, de moins gastronomiques. OK? Un peu comme les geishas au Japon, comme on connaissait. Il y a quelque chose qui se passe là. Hein? Oui, il y a de la taquinerie interne, bon, actuellement. Les danseuses de Gades. Ça, maintenant, de Gades. De Gades, ça, c'est Cadiz en Espagne. Ça, c'était en Espagne? Ouais, oui, mais ça, on les fait d'avenir de Gades. C'est des Espagnols. Fait que ça, c'est un peu les geishas dire que l'Espagne, de l'Espagne. Attends, les Espagnols étaient sous territoire romain, faut pas oublier ça, hein? OK? Écoute ça, Natacha. Moi, je me pue plus ce matin, j'étais en feu. Ben, je sens ça ici. J'ai même pas laissé place à Anthony de parler, je suis comme... Non, on sait, mais il faudrait qu'on l'attache, celui-là, là, parce qu'il faut que je finisse mon affaire. Une bonne gag. Okay. Fait que donc, les danseuses de Québec étaient particulièrement recherchées pour leurs gestes sensuels qui s'accompagnaient de cris indécents lors de banquets. Écoute ça, Natacha, là. Arrête de faire ça. Un doigt d'honneur, Anthony. Au début de son histoire, il était de mise de pouvoir confondre dans les rues de Rome une épouse respectable par rapport à une fille qualifiée de rien. Les filles venant de bonne famille étaient donc tenues de sortir dans les rues revêtues de longues toges brunes qui marquaient leurs conditions et leur vertu. Mais écoute ça, parce qu'on a quand même copié la façon de se maquiller des prostituées. Par contre, avec l'arrivée du christianisme, des prostituées féminines étaient venues à se maquiller comme les autres femmes qui sont devenues des expertes dans la danse, la musique ou les arts d'agrément. Il n'était guère possible de différencier l'homme, l'honnête mère de famille, de la prostituée de luxe. Cette dernière se blanchissait le teint avec des pâtes à base d'excréments de crocodile ou avec de la craie délayée dans l'acide qui avait l'inconvénient de se diluer sous la pluie. Mais avec le temps, avec l'acide, ça faisait des trous dans la peau. Pour les joues, elle se mettait un peu de rouge fabriqué avec de l'écume de nitre rouge et vermillon. Pour les yeux, elle se mettait de la suie qui s'appliquait avec une aiguille sur les paupières, comme dit eyeliner, OK, et sur les sourcils pilés. Certaines tortues se faisaient teindre les cheveux à la bretonne, c'est-à-dire un blond, en un roux très barbare, ce qui changeait le look et l'austérité des chignons conventionnels de ces matrones de gestes assez colorés. Ça, c'est écoute, avant la montée du christianisme. Mais à l'arrivée du christianisme. À l'arrivée du christianisme. En tout cas, moi puis Mélanie, on n'est pas les ferventes de maquillage quand on vient, non. Non, mais si tu passerais, mettons, maquillée comme tu l'es, puis Mélanie aussi, dans les rues de Rome, on te prendrait pour une prostituée. Parce que la femme... Écoute, et même Au 19e siècle... Le jour où je vais aller à Rome, je vais me dénuder le visage. Non, mais là, c'est un Rome antique. Tout le monde se maquille. Non, ils viennent de dire encore mais aujourd'hui. Mais c'est que même quand que l'arrivée, admettons, du maquillage est arrivé dans les rayons, je dirais, de lingerie, bon, puis de féminine, on disait, on va pas s'arranger comme des prostituées parce que les femmes qui se maquillaient, c'était des prostituées. OK? Et remarquez les vieilles photos qui datent du 19e siècle ou début 20e siècle, la femme n'était pas maquillée. OK? Fait que donc, c'est plus la femme se maquille et plus elle se libère, mais en même temps, elle va chercher un peu une coloration qui était surtout connectée avec les prostituées. Parce que, moralité, le regard, les prostituées se maquillaient. Ben, il fallait qu'ils se démarquent des autres femmes. Et surtout, les femmes qui faisaient des fellations, ça, je vous dis ça, se mettaient du rouge à lèvres, très, très rouge, sur les lèvres pour dire qu'elles qu'elle faisaient. Mais c'est vrai ce que tu dis, Pierre, parce que lorsqu'on voit des portraits de cette époque-là, de la Renaissance et tout ça, il n'y a jamais, comme la Joconde, n'est pas maquillée, rien. Il n'y a jamais de maquillage. Oui. Sauf peut-être quand on arrive à l'époque baroque ou au 18e siècle, la femme se mettait du fard, hein, beaucoup de... Il fallait qu'elle ait le teint blanc. Ben, et, comme Marie-Antoinette, dans ces effectivement, époques-là, il y avait le maquillage. Quand elle avait le teint blanc, mais elle était obligée de se mettre un peu de rouge, un peu de couleur sur les lèvres. Si elle ne voulait pas avoir l'air d'une albinos. Effectivement, tu sais, fait que non. Puis les hommes aussi se maquillaient, hein. Les hommes aussi se maquillaient. Les perruques, les... Ouais. Ah oui, les fameuses mouches... Les grains de beauté. Oui. Fait que c'est ça. Vous, des questions, Natacha, est-ce que tu aimes bien? D'après moi, Natacha a posé toutes ces questions pendant la chronique. Oui, mais tout en même temps. Finalement, on n'a rien compris. Elle vient d'enlever son manteau, Natacha. Mais moi, j'aurais une question. Écoute, j'ai chaud, là. Je me fais plus. J'aurais une question, Pierre. Tantôt, oui, on a parlé des mignons. Qui était la clientèle type des mignons? Je ne sais pas si tu as la réponse. Est-ce que c'était surtout des hommes ou des femmes? C'était des hommes. Donc, c'est des hommes homosexuels. Les mignons, ça, c'est un terme aussi en même temps qu'on a utilisé beaucoup au 16e siècle ou même avant la Révolution française. C'était des homosexuels. Et il y avait une cour de mignons à la cour d'Henri III, qui était un roi. Mais je veux dire, les clients de ces mignons-là, c'était des hommes. Ben oui. OK. Donc, la prostitution, de façon générale dans l'histoire, était quand même beaucoup pour la clientèle masculine et jamais... Elle était la clientèle masculine, oui. Féminine, il y avait quand même une clientèle féminine qui se payait des prostituées masculines, mais ces femmes-là qui étaient soit femmes de sénateurs ou de généraux de l'armée romaine, mais c'est un peu comme aujourd'hui. Elles prenaient des esclaves qui étaient des esclaves sexuels, oui. sans aller vers des prostituées nécessairement. Okay, c'était plus des sugar mommies, finalement. Ah, c'était plus de ça, c'était une question de servitude. Quand tu étais esclave, tu n'avais pas les cheveux longs, on coupait les cheveux, hein, pour te dire que tu étais asservi. Et c'était plus un côté... c'était reconnu, mais ça, c'est dans la haute classe, la bourgeoisie, là, le côté aristocratique, puis... Il y avait des parties vraiment où ce que les femmes. Je ne sais pas si vous avez vu la série Rome. Non. Oui. Rome par HBO. Là, il paraît que c'est très bon. Hein. Oui, puis il y a des passes avec des esclaves là-dedans. Parce que, avec des mignons. Des mignons, puis aussi. Non, parce que les mignons, plus, c'est pour les hommes. Oui, mais les femmes qui prenaient plaisir à pouvoir. Se faire copuler par des esclaves. Parce que ça a changé aujourd'hui. Je sais qu'il y a encore un côté femmes qui vont consultais des prostituées mâles, mais c'est pas nécessairement le même côté. Moi, j'avais déjà écouté un reportage, puis les femmes, par exemple, vont aller manger avec l'homme, ils vont aimer se faire traiter un peu comme leur mari les traite pas. Puis tu sais, c'est de ce que j'entends, c'est pas du tout la même... Donc, moins sexuel et plus relationnel. Relationnel, exactement. Okay. Ben, il y a les deux côtés, ouais, là, mais... Ben... Ça finit à quelque part, j'imagine. Mais... un happy ending, mais un peu plus long et tiré. Ouais. Avec un cuni. Avec quoi? Finit bien le souper. Fait que si je comprends bien, les femmes, les hommes prostitués écoutent les femmes pendant le souper et tout ça, ils gagnent vraiment leur salaire. Là, c'est pas juste. C'est beaucoup plus difficile comme travail. Moi, je dis Puis j'imagine qu'ils sont pas payés aussi cher. Donc, moi, je dis qu'il y a de l'inégalité. Exactement. On va faire une marche pour les prostituées masculines. Mais écoute, on part ça. Écoute. Moi puis Alfonso, on débute de quoi là? On est sur quelque chose. Pas Pierre aussi. Ouais, je pourrais, mais bon, je vais laisser parler. Tu vas laisser passer parole. Je vais passer le flambeau là. Moi. Bon. Est-ce que c'est correct? Oui, c'est ben bien. Oui, c'est bon. Parfait. Parfait. Bon. Vous avez compris des choses. Puis toi, Mélanie? Mélanie ne peut pas parler. Mélanie, qu'est-ce qui se passe? Mais là, elle n'a pas de micro. Tu veux là? C'est son chum qui serait content. Sur ce, on vous quitte et revenez-nous. Pour une pause. Pour une pause relativement longue, on met une petite chanson, le temps d'appeler notre invité. Une petite toune. Et on revient tout de suite après la pause. Bye-bye. C'est vous le sexe sur les ondes de C'est Fou 89.1. Vous êtes à C'est Fou 89.1. Pour plus d'informations, visitez cfou.ca. Salut Trifluvien et Trifluvienne, c'est Marc Gagné de l'émission C'est dans ta face. Là où je te fais passer du solide dans musique rock francophone. Fait que attache ta tuque, c'est dans ta face de 15h à 16h à la Radio Campus, c'est fou 89. Le prétexte, c'est simplement une raison pour parler de musique. Tous les dimanches soirs, 19h, c'est fou 89.1 FM. La sortie de secours est une émission de cuisine où chaque semaine, nous vous convions à apprendre des recettes comme le bourgeois rôti, le politicien dans sa sauce d'enveloppe brune ou encore le président aux Cheetos. La sortie de secours est à votre gauche. L'émission coquine d'affaires publiques, le jeudi 18h, en rediffusion samedi 11h, sur les ondes de C'est Fou 89.1. Vous êtes assez tard pour l'écouter. Pour l'écouter. 89. Par la faute du nombre, j'ai perdu le compte. Je dois reconnaître, il faudrait tuer la bête. De retour à C'est fou le sexe, la meilleure émission d'éducation à la sexualité au sud de, du local 221. Donc, tout le monde, ça va bien, Pierre? Oui, oui. Tu veux te gargariser encore un peu plus? Non, j'avais un chat dans la un gorge. Un chat dans la gorge. C'était un chat ou une chatte? Peu importe. On a l'art le plaisir. De créer un malaise. Ben oui, mais c'est ça le rôle d'animateur, c'est de créer aussi des malaises. Donc, ce matin, on a le plaisir et l'honneur de recevoir Mme Linda Bisson, auteure, conférencière et animatrice. Je cherche le titre du livre. Seigneur. C'est bien moi ça. Au-delà de l'amour ou du tantrisme, par Linda Bisson. Donc, on a Mme Bisson avec nous. Bonjour, Mme Linda. Bonjour, Mme Bisson. Ben, parlez-nous de vous, déjà, parce que vous avez un parcours qui est quand même impressionnant, qui est tout à fait fascinant. Puis je pense que ça mérite d'être entendu. J'ai dans le fond, moi, j'ai commencé à explorer le tantrisme il y a un peu plus de 15 ans, dans des circonstances un petit peu tragiques, mais en même temps tellement connectées à l'essentiel, parce que j'ai eu mon amoureux qui est devenu quadraplégique suite à un accident de la route. Alors, on était dans le début... Pardon? Quadriplégique, c'est vraiment les bras et les jambes qui ne fonctionnent plus, là. Il était paralysé jusqu'au cou. Oh boy. Bon. Oui. Alors, on était quand même à l'âge, dans le creux de notre âge. On était des amants. On est se rencontrés, dans le fond, là. Fait qu'on était quand même encore dans le feu de la passion quand c'est arrivé, cet accident-là. Alors, on avait une énergie qui était quand même assez forte entre les deux. Sauf que lui, physiquement, c'est sûr qu'il se considérait plus comme un homme. Sauf que moi, je vous dirais que mes yeux, par rapport à lui, changeaient pas. J'avais autant de désir envers lui. Alors, une fois rendu à la maison, c'est sûr qu'il a été longtemps là dans des centres de réhabilitation, tout ça, parce qu'il y avait quand même une réhabilitation à faire avec son handicap. Mais une fois rendu à la maison, dans notre intimité, ben, on est allé explorer comme peut-être un peu des adolescents qui découvrent la sexualité, pas plus ni moins finalement. On est allé explorer un peu avec les sens, avec ce qu'on avait dans le moment présent. On était vraiment dans notre moment présent, puis dans une présence un à l'autre qui était quand même exceptionnelle. Et finalement, pour me rendre compte, après quelques années, qu'on avait découvert un petit peu le tantrisme. Donc, c'est presque un accident. Ben, en fait, oui, ça s'est fait vraiment intuitivement. Okay. Ça s'est fait au fil du moment. Puis souvent, il y a bien des gens, tu sais, quand je parle du tantrisme, il y a bien des gens qui le vivent possiblement, mais ils ne savent pas que c'est ces mots-là, finalement. Là. Mm-hmm. Moi, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai vécu une expérience où j'ai eu un orgasme sans me toucher. Que là, j'ai fait comme « Oh, OK, qu'est-ce que je viens de vivre? » Puis là, c'est là que j'ai commencé mes lectures, parce que là, je voulais comprendre rationnellement ce que j'avais vécu, parce que c'était la première fois que ça m'arrivait, là. Ben, j'imagine qu'on fait... On reste surpris d'une expérience comme ça. Exact. Et donc, vous avez fait des lectures, vous avez entrepris, si je peux m'exprimer comme ça, un certain voyage spirituel... et intellectuel, si on ben veut. En fait, oui, il y a eu une quête qui a débuté à ce moment-là. C'est sûr que moi, quand mon copain, parce que là, mon copain, lui, est décédé par la suite, mais moi, j'avais touché à quelque chose que je m'expliquais pas. Puis quand j'ai eu mon orgasme sans me toucher, c'était vraiment en état méditatif dans mon lit un matin. Ça faisait pas longtemps que mon amoureux était décédé. Fait que moi, dans ma tête, je me disais, bon, ben, il vient me faire l'amour. Mais automatiquement, tu sais, je suis rationnelle quand même. Là. J'étais en quête spirituelle à cette époque-là parce que quand mon amoureux il est devenu quadraplégique, c'est sûr que j'étais allée chercher un peu de l'aide. Au lieu de me tourner vers les psychologues, je me suis un peu tournée vers tout ce qui est énergie. Moi, j'étais infirmière de formation quand même. Là. Mm-hmm. Donc, très terre-à-terre à la base. Oui, c'est ça. Fait que j'ai voulu comme comprendre. Fait que oui, il y a une quête spirituelle et sexuelle qui s'est mise en place, c'est sûr. Là. Pour finalement, mais me rendre compte que ce que j'avais vécu, ce qui qui ressemblait le plus à ce que j'avais vécu, c'était le tantrisme dans les écrits que moi je trouvais sur Internet. À cette époque-là, ça fait 15 ans, il n'y avait pas grand-chose comme aujourd'hui, là. Fait que j'y allais un peu avec ce que je ressentais, puis veux pas, j'ai continué ma quête, j'ai continué à vivre des expériences, que ce soit toute seule dans mon intimité ou que ce soit avec des partenaires. Après, c'est sûr que je voulais quelque chose, j'avais touché à quelque chose, puis je voulais encore aller plus loin. Mm-hmm. Alors, c'est là que ma quête a commencé véritablement. Ensuite, j'ai fait un livre sur mon expérience avec mon amoureux, puis suite au livre qui s'appelle « Au-delà de l'amour », là, c'est sûr que là, écrire un livre, c'est comme une carte d'affaires, une visibilité. Ouais. Fait que là, c'est sûr que là, les gens m'approchaient. J'ai eu beaucoup de gens par rapport aux handicapés ou en limitation physique. Mais finalement, ça touche tout le monde, de 7 à 97 ans, parce que tu aies des limitations, que tu sois en parfaite santé. Je pense que cette connexion-là, on est dans une période de notre vie présentement, dans une ère où ce que on a besoin de se reconnecter à soi et à l'autre, parce qu'on est en train de se perdre là, avec tout ce qui se présente là. Avec l'hypersexualisation et la rapidité, si on veut, de consommation de la sexualité. Exactement, avec Internet, avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les jeunes... ils ont plus vraiment de jeux de séduction. C'est rendu, la sexualité, c'est quasiment rendu un genre de loisir. C'est ça, oui. En fait, c'est comment, c'est consommé comme un produit, c'est consommé comme un bien, plutôt que d'être vécu. C'est un peu ce que vous me disiez hier en entrevue, parce qu'on fait toujours des pré-entrevues ici à CFOU. Et on a passé un beau 45 minutes ensemble à jaser. Mais c'est ça, on parlait vraiment de se réapproprier notre sexualité, de cette quête-là intérieure, si on veut. Souvent, moi, je dis souvent en entrevue, en conférence, que je pense que le tantrisme aujourd'hui, oui, il y a eu des textes sacrés qui ont été... Écoute, ça évolue depuis des millénaires, là, ce concept-là, j'invente rien. Sauf que moi, avec mon expérience, j'ai voulu un peu l'actualiser, j'ai voulu le mettre au goût du jour, puis dire en 2010 ou en 2018 aujourd'hui, comment on peut l'intégrer, le tantrisme, dans notre quotidien. Parce que moi, ça m'a apporté énormément, pas juste au niveau de ma vie intime, mais dans toutes les sphères de ma vie, ça m'a aidé à débloquer des choses, ça m'a aidé à me connecter à moi-même, mais en te connectant à toi-même, tu te connectes aussi à tout ce qui est autour de toi, tu te connectes à l'autre. Puis à ce moment-là, c'est que t'as, au niveau de tes intuitions, au niveau de tous tes sens, c'est exacerbé. Alors, il y a comme une connexion qui est au-delà de tout ce qui s'explique, là. Fait que c'est beaucoup plus vaste qu'on pense que c'est. Fait que pour moi, quand je parlais, je disais, c'est le virage vert de la sexualité. Mm-hmm. Pour moi, le tantrisme, c'est vraiment ça. On est dans une ère où ce que on veut changer l'environnement, on veut changer notre façon de penser. On a eu des croyances limitatives au niveau des religions ou même de notre vie sexuelle. Tu sais, moi, je suis plus dans la vingtaine. Fait que j'ai eu quand même des croyances où on me disait non, fais pas ça, c'est pas beau. La masturbation, c'est pas correct. T'as pas le droit d'avoir du plaisir si tu. Tu sais. Fait qu'en quelque part, à un moment donné, il faut se libérer de ça, puis se laisser aller à cette énergie sexuelle-là, qui est l'énergie vitale, qui est l'énergie créatrice. Excusez, madame, est-ce que vous êtes déjà allée aux Indes? Pardon? Est-ce que vous êtes déjà allé aux Indes? Non, j'ai jamais été aux Indes, malheureusement. Parce que c'est là que le tantrisme a quand même débuté. Oui, hein? Oui. Parce que c'est une vieille application sexuelle. Le tantrisme, on peut remonter peut-être à 2000 ans avant Jésus-Christ. Là. En tout cas, c'est quand même... Je connais des gens qui sont allés aux Indes pour suivre des formations tantristes, puis le tantra, puis ils sont revenus complètement enchantés de leur séjour. Transformés, on pourrait dire. Transformés, enchantés. Oui. Ça change une vie, hein? Oui, absolument. Mais moi, comme je dis souvent aux gens, tout est déjà en toi. Oui, quand tu vas dans des places comme ça, que tu vas dans des temples ou que tu vas dans des séminaires, oui, l'énergie est un quintuplé est 100 fois plus grande quand tu es dans un lieu comme celui-là. Mais quand tu prends le temps de te connecter à toi-même et à l'autre, moi, je pense que tu peux vivre les mêmes expériences ici, parce que moi, j'en ai vu aussi des gens qui sont allés, j'ai ma fille qui est allée passer 3 mois là-bas à me raconter des choses. Mais je veux dire, on peut le vivre aussi dans notre quotidien à chaque jour. Mais c'est sûr que c'est comme un genre de ressourcement, de retraite que tu peux faire, puis que tu reviens te transformer. Tant mieux si les gens... c'est un déclencheur, moi je dis, tu sais. C'est un déclencheur vers la quête. Moi, mon déclencheur, ça a été mon orgasme multidimensionnel. Oui, mais c'était justement ma... Excusez-moi de vous interrompre, ma question de tantôt, peut-être que vous alliez en venir plus tard. Avant l'émission, on en discutait justement de tantrisme, puis on parlait des orgasmes par rapport au tantrisme. Je me demandais, est-ce que c'est le même orgasme qu'un orgasme qui serait comme plus génital? Oui, exactement, mais c'est ça la différence. C'est que quand tu... Parce que dans le fond, le tantrisme, c'est toucher au physique, au spirituel, à l'énergie, OK? Alors, quand tu développes cette capacité-là, c'est que ton orgasme, à la place d'être très, très, très localisé au niveau des organes génitaux, autant même pour la femme qui est très clitoridienne ou vaginale, je veux dire, c'est quand même localisé. Moi, ce que ça m'a apporté beaucoup, c'est que c'est des orgasmes, tu deviens l'orgasme, ton corps au complet est l'orgasme, parce que tu as appris avec les respirations, tu as appris à, dans le lâcher prise et l'abandon, parce que c'est comme sous forme méditatif un peu quand tu vis cette expérience-là. C'est comme si ton corps s'ouvrait totalement. Fait qu'à ce moment-là, tes orgasmes, c'est vraiment plus diffus, plus généralisé au niveau de ton corps. Ça l'explose au niveau de ta tête, puis c'est vraiment magique. Puis tu pars un peu, tu deviens comme un peu en transe. Fait qu'on est un peu dans le cérébral, même. On dépasse, là. On s'en va dans le supramental, là, même, je te dirais. Là. On dépasse soi-même, là. On devient un avec le tout, là, je te dirais, quand tu vis des moments intenses, là. Fait que c'est beau. Natacha, tu voulais rajouter quelque chose? Ah, il y a une mademoiselle, OK. Oui, ben c'est... C'est une madame. On a sauté les étapes, en fait, un peu, mais je vais vous présenter en ordre Natacha, qui est ma collaboratrice. Okay, on a Pierre Soucy, qui est notre cher chargé de cours en sexologue, historien, brasseux de feuilles. Et on a Alfonso, qui est l'auditeur du jour, dans le fond, que vous avez entendu. Et il y a Mélanie dans le coin, mais qui n'a pas de micro ce matin. En fait, je me demandais... fait que c'est l'orgasme est beaucoup plus intense qu'un orgasme conventionnel que les gens connaissent. Ah oui, définitivement. Mais, puis moi, comme j'expliquais hier à Anthony, puis c'était pas ma quête, puis je veux pas que les gens pensent, on va partir vers cette quête-là pour atteindre ça, parce que je pense que tu perds l'essence. Oui, c'était pas le but au début. C'est pas le but, mais moi, personnellement, ça m'a permis de devenir éjaculatrice, ça m'a permis de devenir multi-orgasmique. Et même, comme je racontais, qu'est-ce qui est très, très facile maintenant, je me connecte tellement à l'autre que quand l'autre a un orgasme, moi, je suis capable d'avoir un orgasme avec lui, mais sans me toucher. Parce que la connexion est tellement intense entre les deux, c'est que tu deviens l'autre. Fait qu'à ce moment-là, comme je dis, on n'a plus besoin d'apprendre les dernières techniques du point G, du deep spot, et mais ça doit être difficile, après avoir découvert ça, d'avoir une relation conventionnelle. J'imagine. C'est sûr que c'est quasiment plus... T'as plus vraiment... d'intérêt. Il y a des grosses connexions physiques qui peuvent se vivre, sauf que... Moi, personnellement, j'ai besoin que l'autre soit ouvert à expérimenter, ou du moins expérimenter le tantrisme. Ouais, sans avoir une connaissance, au moins une ouverture à le découvrir. Exactement. Puis souvent, c'est ceux-là qui connaissent rien qui peuvent s'abandonner encore plus. Tu sais, c'est comme l'histoire de la religion. Tu sais, le vase vide, il peut se faire remplir. Tu sais, fait que pour moi, c'est parce que souvent, il y en a qui vont arriver avec leur théorie, puis moi, je suis connaissant, je fais ça, mais ils n'ont pas exploré. Ou leur exploration est tellement dans le mental, est tellement dans l'analyse puis la logique, qu'ils ne se laisseront pas nécessairement aller à vivre la pureté de l'expérience puis l'authenticité. C'est juste ça, c'est de se laisser aller là-dedans avec authenticité et pureté, là. Comme des enfants qui découvrent la sexualité, dans le fond. On a une question de Mélanie ici, qui veut se joindre à mon micro, par ailleurs. On partage le même micro, on fait du tantrisme, mais à micro. Bonjour. Allô. Bonjour, je me demandais, moi, dans le fond, quand vous avez une relation avec quelqu'un, vous dites, bon, moi, c'est nécessaire qu'il soit ouvert à expérimenter le tantrisme, mais ça veut dire aussi d'avoir, on oublie les petites vitres dans ce temps-là, là. Ça veut dire que ça prend beaucoup de temps, plus de temps, il faut être vraiment préparé puis mindé à ça, ou c'est possible quand on est rendu un expert comme vous, ou une experte comme vous, d'arriver à, dans un temps raisonnable, d'arriver à... Ben, on me pose souvent la question en atelier ou en conférence, c'est une très bonne question, puis moi ce que je réponds là-dedans, ça, c'est un peu comme quand tu fais du yoga ou de la méditation, plus tu en pratiques, plus que ça te prend moins de temps à devenir dans le silence et si ça tu deviens de plus en plus facile pour toi de tomber dans cet état de transe ou dans cet état de vide intérieur. Fait que c'est la même chose au niveau du tantrisme. Si tu commences, puis oui, souvent je lis sur les sites c'est écrit par des sexologues. Puis là, ils ont pris ça dans des livres. Puis là, il y a la pratique tantrique, puis la technique tantrique. Moi, je suis pas là-dedans. Parce que je trouve que, justement, si tu tombes encore dans la technique puis dans la pratique, tu perds l'essence encore là du moment présent et d'offrir la présence à l'autre. Puis tu commences à calculer, ah ben là, il faut que tu respires 4 respirations. Non. Mais à la base, est-ce que je me trompe ou le tantrisme, je sais pas si c'est l'idée que les autres ont autour de la table. Moi, l'image que j'ai, la première image que j'ai eue du tantrisme, c'était dans le film American Pie, qu'il y avait un personnage qui faisait ça avec la mère de Stifler, peu importe, mais il y avait une espèce de retenue de ne pas jamais atteindre l'orgasme pour finalement l'atteindre. Donc, il y avait moi, c'était ça, comme l'image que j'avais du tantrisme, c'était comme de jamais toujours avoir des rapports sexuels sans venir à l'orgasme complet. Brisons les tabous ici, là. Alors que ce que je comprends, c'est pas ça du tout. Ben, moi, personnellement, je le pratique pas comme ça parce que je trouve... Écoute, moi, je me dis, écoutez-vous. Parce qu'il peut y avoir tu sais, si tu commences à vivre le tantrisme avec dans ton couple, OK, et au début, tu vas y aller, bon, avec des petites méditations, de l'effleurement, de la plume, de l'exploration de tes sens, la connexion, la méditation à deux, le yoga de l'amour, là, dans le fond. Mais plus tu vas avancer, plus tu vas changer aussi ces rituels-là. Parce que dans le fond, le tantrisme, il y a certains rituels. Dans des thèses immoriaux, il y avait même des initiations qui se créaient dans des groupes. Je veux dire, ça peut être des sectes dans ce temps-là. Là. Peut-être que tu te mélanges, en fond de ça, avec le Tao. Le Tao est plus la retenue... Mm-hmm. Il y a une élection, il faut. Oui, en effet. T'arrêtes de pouvoir. Tu sais, tu ne veux pas éjaculer. Okay. Parce que plus tu transcendes cette éjaculation-là, plus tu atteins des sommets, évidemment, intéressants. Fait que faire attention avec ça. Okay. Mais peut-être, lorsque la connexion avec le tantra et le Tao peuvent se faire, bon, on sait que le tantra vient de l'Inde. Le Tao, il y a une branche hindoue de ça aussi, hein. Mm-hmm. Fait que des fois, on peut mélanger les deux aspects. Mais c'est plus la Chine, le Tao, puis au Japon, que ça, c'est dans les pays asiatiques, là, la Corée, le Japon, la Chine, là, que c'est... On a eu l'influence du Tao. Puis si on vient à ça, c'est par expérience, parce que j'ai tenté, là, moi, j'ai vécu quand même plusieurs expériences où ce que je me disais, bon, je vais canaliser cette énergie-là. Parce que tu sais, le tantrisme, c'est ceux qui ont une forte énergie, puis des fois on fait des choses qu'on n'est pas tellement fiers parce que notre énergie est tellement forte, on sait pas comment la canaliser. Puis moi, j'ai appris à la canaliser de façon efficace, dans le sens que je faisais des respirations, mais ça, c'est chacun. Il y a des gens qui vont se tourner vers le tantrisme parce que justement, ils manquent d'énergie sexuelle, ils manquent de libido. Là, à ce moment-là, ils veulent la renflouer. Fait que mais moi, je voulais la canaliser. Ce que ça m'a rendu, tu sais, un peu pour rejoindre le Tao, c'est que ça m'a permis en la canalisant, puis justement en perdant pas d'énergie, en n'ayant pas d'orgasme, c'est que je me suis rendu compte que quand je dis que l'énergie sexuelle, c'est l'énergie créatrice et c'est l'énergie vitale, c'est que moi, à place d'avoir des orgasmes ou de l'énergie sexuelle qui circulait, je l'ai canalisée, puis j'ai écrit 7 livres en l'espace de un an, là, sur le bord de l'eau, dans le Nord, tu sais. Parce que Donc, vous avez utilisé l'énergie sexuelle que vous aviez, oui, c'est ça? Puis là, quand quelqu'un me dit que l'énergie sexuelle, l'énergie créatrice, c'est la même chose, oui, c'est la même chose, mais il faut que tu la transcendes d'une autre façon. Fait que c'est pour ça que tout dépendant des gens. Il y en a qui vont vouloir la canaliser pour qu'elle devienne créatrice, mais l'autre qui vont la vivre sainement au niveau d'une sexualité exploratoire. Là. Dans le fond, ce que vous dites, c'est que la sexualité, c'est un peu comme l'essence, mais il faut savoir où la diriger, parce que sinon, ça peut devenir une nuisible. C'est pour ça que les religions ils ont fait des changements quand ils se sont rendus compte du pouvoir de notre énergie sexuelle. Ben oui. Ils ont voulu créer des limitations là, à ce niveau-là. Là. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a dans nos mémoires cellulaires, on a ces fausses croyances-là, on a ces blocages-là qui sont là dans nous, parce qu'on s'est fait tellement dire non, mais les hommes de religion, dans ce temps-là, ils ont vu que l'énergie sexuelle, c'était une énergie qui pouvait transcender beaucoup de choses. Puis aujourd'hui, je trouve ça triste qu'on ait à reprendre le flambeau des milliers d'années plus tard. Là, puis dire, oui, on a une forte énergie, puis cette énergie-là, elle peut transcender plein de choses. Moi, je suis partie, là, moi, là. Mais moi, je suis vraiment curieuse de... vous écrivez des livres, vous faites des conférences, mais oui. les couples ou les gens qui sont intéressés à suivre des formations, est-ce que vous en donnez? Oui, absolument, oui. Moi, c'est ça. Parce qu'une fois que le livre est écrit, là, les gens, tu deviens comme un peu une référence. Uh-huh. Là, tu passes à la télévision, tu parles de ton livre, tout ça. Fait que là, ça grossit, ça fait une boule de neige. Puis là, à un moment donné, oui, j'ai voulu créer des ateliers, j'ai voulu créer un séminaire qui s'appelle l'extase dans le couple, que j'ai fait pas mal à plusieurs, dans plusieurs endroits. Puis là, je me suis rendu compte, moi, dans le fond, ce que j'amenais, c'est que dans une série d'ateliers ou un séminaire, parce que moi, je suis pas beaucoup dans la théorie, je suis plus dans le présent et dans l'action et dans l'expérience. Oui, parce que même si, comme je disais hier, même si je parle pendant 2 heures en conférence, tu comprendras pas plus c'est quoi le tantra. Faut le pratiquer. Mais si tu le vis, si tu ressens une expérience, là, tu dis, oh, OK. Puis automatiquement, tu touches à quelque chose, puis automatiquement, tu veux aller plus loin. Fait que là, c'est une quête spirituelle, mais en même temps, une quête sexuelle et une quête globale, je dirais, là, pour que ton mieux-être, c'est fou, là. Moi, j'ai des gens qui me suivent depuis 15 ans, puis... c'est ça, il y en a qui vont moins vite, il y en a qui vont plus vite, mais ça c'est chacun son expérience, chacun sa voie là. Mais c'est super intéressant. C'est vraiment très intéressant. Et c'était ça, le but, c'était de faire découvrir aujourd'hui c'est quoi le tantrisme, mais surtout de piquer la curiosité des gens. Parce que là, vous allez tous faire à la maison. Là, allez voir notre page Facebook, le lien de... Je vais finir ma phrase. Vous allez aller sur le site lindabisson.com, vous allez retrouver l'ensemble des informations, vous allez pouvoir voir la biographie, les nombreux livres que Mme Bisson a écrits. Vraiment, vous êtes très, très prolifique. Et bien sûr, les ateliers que vous donnez, parce que vous donnez aussi des ateliers. Oui, c'est ça. Puis si jamais à l'université, ils veulent avoir un petit atelier, là, connexion, méditation, ça me fait plaisir. Vous êtes dans la région de Montréal, je crois. Pardon? Vous êtes dans la région de Montréal? Oui, bien, Rive-Nord, mais tu sais, Trois-Rivières, c'est quoi? C'est 1h15 de chez moi. Ça se fait bien. Ça se fait bien. Je pense qu'il va y avoir des projets pour l'automne prochain. Ça, c'est sûr. Ben oui. Ça va me faire plaisir. Je vous écoutais tantôt, puis je trouve tellement que c'était intéressant pour des jeunes, peut-être. Vous avez parlé de la religion qui a un peu, peut-être... mis un certain frein à la... catholique. Qui a mis un frein... je pense pratiquement beaucoup de religions, en tout cas, ont mis un frein à la sexualité. Puis je pense qu'aujourd'hui, les jeunes le vivent peut-être de façon éclatée. Exact. Puis avec Internet, les sites de rencontres et tout ça, les possibilités sont tellement grandes que je pense que beaucoup de jeunes ont de la difficulté à canaliser leur énergie sexuelle. Exact. Je regarde juste la co-animatrice, tu sais, qui a 32 ans, qui a de la difficulté à... À se canaliser aujourd'hui, donc... J'ai bu trop de thé, ma chère. Je pense qu'une petite séance de temps... On respire. Écoute, je vais aller vous voir pour une séance. Non, mais... Puis c'est ça qu'on disait hier, tu dis, au début de mes cours puis conférences, ça, je voyais que c'est beaucoup des têtes, tu sais, de 40 ans et plus, plusieurs années en couple. Mais aujourd'hui, les jeunes, comme j'expliquais hier, ils sont tellement ouverts, ils sont tellement connectés, puis ils ont tellement pas de blocage à ce niveau-là que finalement, c'est justement là, il faut qu'ils apprennent à canaliser, puis il faut qu'ils apprennent aussi à retomber dans l'essence de cette énergie-là au lieu de dans le désir et dans la passion, et vu les images pornographiques qui se présentent à leurs yeux puis tout ça, à un moment donné, ça fait beaucoup à gérer, puis finalement, ben ils perdent l'essence. La pureté, la sexualité, dans le fond, la sexualité, peut-être pour les jeunes, ça se passe devant un ordinateur ou un cellulaire, mais il n'y a pas d'énergie vitale à travers ça. T'sais. Non, il y a juste une batterie. C'est très génital. Il y a un orgasme génital, puis c'est tout. Là, je veux dire, c'est leur plaisir, ils ne pensent pas à l'autre. C'est très, très... Mécanique. Mécanique, exact. Souvent, c'est ça, je leur dis, aux gens, ceux qui sont célibataires, connectez-vous à vous-même, parce que si vous n'êtes pas capable de vous connecter à vous-même, vous ne serez pas capable de vous connecter à quelqu'un d'autre. Mm-hmm. Wow. Fait que la première chose à faire, c'est de se connecter à soi. Puis ça, ben c'est sûr que si tu regardes... Tu sais, des fois, je dis aux jeunes, ou même aux jeunes aux plus âgés, prenez un bain, effleurez votre peau, caressez-vous comme si vous caressiez une autre personne. Là. Juste ça, puis après ça, quand tu découvres ton corps... Toi, tu peux te faire plaisir, puis après ça, tu peux offrir ton corps à l'autre pour qu'il te fasse plaisir aussi. Mais ça vient de soi, parce que souvent aussi, en plus, les hommes, ils ont cette pression-là de vouloir apporter l'orgasme aux femmes. Moi, je m'excuse, mais je dis aux mesdames, excusez-moi, mesdames, mais c'est pas la responsabilité de l'homme, parce que je trouve que ça vient lourd pour lui, premièrement. Mais surtout qu'il y a des femmes qui sont anorgastiques, qui, oui, point de vue psychologique, qui sont pas capables de se donner à l'orgasme. C'est ça. Fait que à ce moment-là, réappropriez-vous votre sexualité, apprivoisez-vous, puis permettez-vous de vous laisser aller, tu sais, les femmes et comme ça. Ben à ce moment-là, tu sais, je veux dire, moi des fois je parle, puis regardez-vous dans les yeux, masturbez-vous l'un et l'autre devant l'autre. Là, des gens ils sont comme, oh mon Dieu, mais voyons là, c'est la base là. Oui, dans le fond, c'est de travailler l'ensemble de la relation, c'est-à-dire les deux partenaires de façon individuelle, mais aussi la relation, aussi le lien qui les unit. Mm-hmm. Exactement, cette complicité-là, cette authenticité-là, cette vulnérabilité-là aussi, qui fait qu'à un moment donné, tu t'ouvres à l'autre, puis à ce moment-là, ben, y a une connexion encore plus grande qui se fait. Tu sais, quand vous parlez de masturbation, je pense que c'est le geste le plus intime qu'une personne peut faire. T'sais. Le plus simple. Le plus simple, le plus intime, mais peu de gens seraient capables de le faire devant une autre personne. C'est, comment tu peux te lire? Oui, puis il y a des couples qui se masturbent aussi quand ils ont une relation sexuelle. La masturbation est devenue pas seulement un geste intimiste entre deux personnes. C'est ça. Puis parce qu'on disait, tu me masturbes parce que t'as pas rencontré quelqu'un, puis c'est le contraire. Exact. T'sais, anciennement, on disait ça, mais maintenant, c'est plus ça. Parce que aussi, il y en a qui vont penser, ah, mais là, elle se masturbe parce qu'elle trouve que je le fais pas bien. Ouais, c'est ça. Non, arrêtons de vouloir toujours trouver des bébites. T'sais. Non, je le fais parce que j'explore mon corps. Puis, tu sais, quand tu vois l'autre se masturber, c'est excitant aussi. Ben oui. C'est excitant aussi. Excitant. Puis en même temps, c'est que tu vois aussi la façon qu'il fait. Tu sais, lui, il le fait tranquillement. Tu vois ce qu'il aime. C'est juste une petite base comme ça qui fait qu'à un moment donné, comme tantôt, j'ai un monsieur qui m'appelle, il dit là, j'ai des problèmes, nanana, j'explique juste, faites-vous un massage tantrique. Massage tantrique, tu te couches nu avec une petite musique tantrique. Vous allez sur YouTube maintenant, il y en a plein de musiques tantriques. Avec la plume, tu commences avec la plume, juste l'exploration de son corps. Passe autour de sa vulve, tu comprends? Va pas là. Tu sais, les hommes, ils ont la fâcheuse manie de ceux autres, là, ils sont comme trop allumés, là. Mais non, laisse-toi désirer, promène-toi. Après ça, c'est l'effleurement. Juste sentir avec tes doigts l'énergie qui passe entre les deux. Ressens l'autre. Ressens quand elle vibre. Ouais. Tu seras pas obligé à ce moment-là d'aller voir les dernières techniques du point G parce que tu vas tellement la sentir vibrer. Que tu vas savoir c'est où que ça la fait faiblir. Là. Mm-hmm. Ouais. Mm-hmm. Choquez-vous pas. C'est pas bon pour vos chakras. À Kundalini aussi, hein, c'est ça qu'on appelle. L'énergie sexuelle, je pense, c'est la Kundalini. La Kundalini, ouais, oui, c'est l'énergie sexuelle, à part à la base. Fait que oui, si on va plus loin dans notre quête, il y a le massage de la prostate qui, souvent pour l'homme, est sublime comme expérience, là. Mais ça, c'est un autre niveau, là, une autre rencontre, finalement. Oui, j'imagine. Ben, en tout cas. Peut-être oui. À expérimenter éventuellement. Moi, je voulais aborder brièvement toute la dimension de la population qui est vieillissante puis qui voit, dans le fond, ses performances puis qui se réduit souvent à ses performances. Bon, j'ai plus d'érection comme avant, je suis plus capable d'être aussi performant, mais ils délaissent la sexualité ou les gens atteints de maladies graves. C'est une... À la rigueur, c'est thérapeutique pour ces gens-là. Ça leur permet de continuer d'avoir une sexualité active et satisfaisante, et plus que satisfaisante. Et plus que ça, oui. Puis comme je vous disais hier, moi, suite au passage à Denis Lévesque, j'ai beaucoup de gens qui handicapés ou avec des limitations sévères, ou moi, j'ai évolué beaucoup avec les personnes âgées en tant qu'infirmière. Fait que j'ai donné des conférences dans des groupes d'âge d'or et tout ça. Puis oui, je les amène vers une tendresse, vers une... Les autres aussi sont connectés, puis ils savent c'est quoi l'énergie de plus en plus. On en parle de plus en plus au niveau à la télévision, tout ça. Fait que juste, tu sais, d'être présent à l'autre, ressentir l'énergie. Puis oui, ça les amène... des fois même, j'ai un monsieur de 88 ans à un moment donné, mais si tu étais capable de faire bander ton quadriplégique, il dit, tu dois être capable de me dire quoi faire pour moi. Fait que, écoutez, j'ai pas la recette miracle, sauf que si vous êtes dans ce lâcher-prise-là, puis dans cet abandon-là et dans cette connexion-là, je pense que tout est possible. Oui. Ben, tout est possible. Hier, je faisais le parallèle avec l'hypnose, l'état d'hypnose. Puis en fait, ce qu'on nous enseigne en hypnose, c'est que l'hypnose n'existe pas, il n'existe uniquement que l'auto-hypnose. Donc, c'est vraiment nous qui avons le pouvoir sur nous-mêmes de se dissocier, dans le fond, de notre conscient, puis de nos préjugés, puis de nos limites, puis d'entrer vers un monde très, très intime et très libéré, si on veut. Libéré, exactement. Puis c'est là la clé, je pense, quand tu touches à ces expériences-là, tu te libères, puis tu ouvres des portes insoupçonnées, puis à des expériences qui sont parfois, même moi j'écris, mais des fois j'ai pas de mots pour trouver, tu sais, des vrais mots pour trouver ce que j'ai vécu. Ça prendrait un son, un toucher, une odeur. Ben, c'est une odeur, comme une image. Moi, je vois ça comme une image, tu sais, un genre de lumière ou de connexion qui se fait, puis tu fais comme, OK, je viens de vivre quelque chose, là, puis... Puis je suis capable de dire, quand je veux une expérience, mettons, avec un amoureux, je suis capable de dire cette expérience-là va faire un chapitre. Parce que je viens de vivre quelque chose. Ça devient quand même stressant pour les hommes qui vont être avec vous. Non, pas du tout. S'ils font seulement une page, ça veut dire qu'il n'était pas extraordinaire. Non, mais c'est comme on disait tantôt, je veux dire, c'est pas parce que je suis dans le tantrisme qu'une petite vite, ça se fera pas. Mais non. Je veux dire, parce qu'à un moment donné, il peut avoir des... Parce qu'à un moment donné aussi, c'est comme hier, on parlait du tantra noir, blanc, rouge. C'est une autre histoire, ça aussi. Mais il y a beaucoup d'expériences tantriques que tu peux vivre, mais c'est pour créer, pour te guérir des blocages physiques que tu as au niveau des chakras plus inférieurs. C'est ça, en fait, j'avais une question tantôt. Vous parliez historiquement. Est-ce que vous croyez que c'est des choses, des fois, qui peuvent être inscrites, non seulement par le fait que, tu sais, les manuels religieux teintent un peu notre vision de la vie, comme la Bible pour nous, ou peu importe. Ouais. Est-ce que vous pensez que ça peut être inscrit dans notre code un peu génétique? Ah oui, absolument. C'est ça, vous en avez interprété, des choses qu'on peut avoir vécues, là, des milliers d'années? Oui, parce que même moi, je m'en ai libéré, là. OK. Puis tu le sens quand tu fais une guérison de quelque chose dans une expérience. Puis c'est pour ça que je vous dis que des fois, peut-être qu'une petite vite, mais quand elle est faite... Moi, je me dis que toute expérience sexuelle, quand elle est faite en conscience, elle t'apporte quelque chose. C'est quand elle est faite, puis que tu le fais rien que pour le faire, comme un animal, un chien qui va zigner après un autre une chienne. Non, mais tu sais, il y a des gens qui font la sexualité comme ça, là, je veux dire. Mais quand tu prends conscience de ton énergie, de l'énergie que l'autre a, tu dégages, que tu absorbes l'énergie de l'autre aussi, ben tout ton monde change. Parce que premièrement, tu baiserais pas à gauche et à droite avec n'importe qui. Parce que tu sais quel impact que ça a au niveau de toi, ton énergie. Souvent, je vois des gars qui courent à gauche et à droite, puis ben pas juste des gars, là, je veux pas généraliser. Des gars, des filles, effectivement. Oui, puis que là, à un moment donné, ils sont là, je suis fatiguée, je suis épuisée, mais parce que tu absorbes l'énergie de tout le monde. Fait que si lui, il arrive avec une énergie dark, okay, comme tu vas la capter, cette énergie-là, tu sais. Surtout une femme, c'est à l'intérieur, là. Ouais. Alors, c'est vaste. Regarde, on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Puis, si on va encore plus loin, notre entrée, c'est la fusion de notre pôle masculin-féminin. Ça l'explique aussi beaucoup la bisexualité dans notre époque aujourd'hui. Parce que là, on est en train de vouloir fusionner notre masculin-féminin pour n'en faire qu'un. Puis, ça, dans mes séminaires, je le raconte encore un peu plus parce que c'est quand même assez complexe comme théorie, là. Mm-hmm. Mais moi, je l'ai vécu. Puis, quand tu fais la fusion des deux pôles, c'est comme tu fais aussi la fusion de ton yin-yang, tu fais la fusion de ton énergie sexuelle, spirituelle. Tu sais, c'est comme il y a une fusion intégrale qui se fait. Puis ça, ben oui, c'est une autre démarche, là. Oui. Bref. Ben, c'est justement pour ceux qui veulent aller plus loin, justement, ben, ils vont pouvoir fouiller, s'informer et, bien sûr, aller vous voir ou lire vos livres. Et lire, oui, bien sûr, l'ensemble de votre œuvre. Oui. J'ai une question ici d'un auditeur. Oui. Son note wolf, on en prend soin. Non, mais il nous remercie pour l'entrevue avec vous. Il est très, très heureux de vous avoir qu'on vous accueille ce matin. Il aimerait nous dire que dans son cas, à 25 ans, c'est difficile de trouver des partenaires adeptes, ouais, de ce concept qui veulent pratiquer en étant totalement à l'aise. Entre autres, sur Tinder, ça marche pas fort. Non, mais il y en a beaucoup plus qu'on pense. C'est sûr que, comme moi, quand je faisais des conférences ou des ateliers ou même je faisais un spectacle tantrique au-delà du fantasme, puis c'est sûr que si tu vas dans des places comme ça, tu as plus de chances d'en rencontrer qui pensent un peu comme toi. Mm-hmm. Ça, c'est sûr. Mais c'est sûr que... Mais de plus en plus, je pense qu'il va avoir la chance qui reste ouvert et qui accueille, hein, la vie. Elle va t'emmener la personne que tu as besoin au moment où tu es prêt, là. Ben, de toute façon, tu sais, les gens, on les rencontre pas uniquement sur des trucs de rencontre. Donc, tu sais, j'imagine, en s'intéressant à la vie spirituelle, ils devraient, ouais, être capables de rencontrer quelqu'un qui, éventuellement, va s'intéresser au tantrisme. Mais peut-être qu'à ce moment-là, en participant à des séminaires, tu sais, je veux dire... Ouais, c'est ça. Si je veux aller à... C'est niaiseux, ma comparaison, mais si j'aime le poisson, je vais aller à la pêche. Si j'aime le gibier, je vais aller à la chasse. Si je veux attraper du poisson, puis je vais à la chasse, ça marche pas. Non. Fait que si je veux quelqu'un qui aime le tantrisme, ça risque pas d'être sur Tinder. Exactement. Ben, il y en a peut-être, je sais pas, mais tu sais, des fois, ça dépend. Des fois, la personne n'est peut-être pas intéressée, mais si tu l'as pas, ouais, tu y amènes pour qu'elle soit... Parce que les jeunes sont très souvent... Moi, j'ai deux jeunes adultes, là. Puis, je veux dire, c'est un hommage... Au début, quand j'ai commencé, ils étaient trop jeunes, mais aujourd'hui, c'est un hommage quand je les vois avec leur amoureux venir à mes cours ou à mes ateliers. Mm-hmm. J'ai des larmes, là, parce que je me dis, waouh, si je l'ai fait juste pour mes filles, parce que le bien-être et le mieux-être que ça t'apporte en dedans, c'est indescriptible. Fait que je me dis, c'est au-delà. C'est au-delà de tout ce que tu peux. C'est pas pour vendre, c'est pas pour non plus faire du marketing. Puis c'est pas la formule miracle non plus. Mm-hmm. C'est un travail que tu fais sur toi, pour toi, puis ça t'amène des bienfaits, puis à un moment donné, ben, tu te rends compte que ces bienfaits-là, ben, ils portent fruit, puis ça t'ouvre les portes à plein de choses. Moi, aujourd'hui, tu sais, il y en a qui auraient dit, là, quelques années, quand mon amoureux, dans tous mes états quand je l'ai vu handicapé, mais aujourd'hui, le plus beau héritage qu'il m'a laissé. C'est le plus beau cadeau qu'il m'a fait, là, en me faisant vivre cette expérience-là. Ça a été mon plus grand maître, en fait. Parce que c'est pas évident. Moi aussi, j'ai cherché des maîtres tantriques au début, ici, au Québec. Non. Ouais. C'est pas évident, parce qu'il y en a qui... C'est comme un peu des gourous qui veulent... qui veulent avoir des brebis, puis il faut faire attention. Ouais. Faut oui, on en parlait d'ailleurs hier. OK, ben c'est intéressant. Il faut se servir de son discernement énormément, parce que c'est ça. Moi, c'est quelque chose que tu fais individuellement. C'est quelque chose qui est à l'intérieur de toi. C'est comme un peu... oui, il peut avoir des classes de yoga, comme il peut avoir des classes de tantrisme qui t'apportent un éveil ou une expérience. Mais après ça, c'est chez toi. Mais pour personne qui devrait avoir ton propre pouvoir, là. Pour être sûr que j'ai bien compris, ce que vous dites, dans le fond, c'est qu'une personne peut t'initier au tantrisme, mais chaque personne a un travail à faire elle-même. Oui, exact. Ça se fait pas dans une salle en espèce de gros gangbang, là. C'est ça, non, que vous essayez de nous dire. Exactement. Non. Non, moi, ce que tu sais, en fond, quand moi, dans mon séminaire, à la fin, c'est le dernier atelier, c'est massage tantrique. Moi, je dis aux gens, amener un costume de bain, brassière, tu sais, je les empêche pas de se mettre nus. OK. Mais, parce que je veux pas créer de blocage, mais dans le fond, ils se rendent compte que ça n'a aucun rapport avec la nudité ou la sexualité, le exact. Ouais. Exact. Fait que là, quand ils sont rendus là, au dernier atelier, ils comprennent tout, puis ils disent, ben là, ça fait aucune différence, dans le fond, que tu sois habillé ou pas. Fait que, dans le fond, ils vivent l'expérience. Oui, ils goûtent à quelque chose. Oui, ils vivent quelque chose. Mais là, après ça, c'est que là, la quête, elle se poursuit rendue à la maison, quand ils arrivent dans leur routine, c'est de prendre le temps de dire, OK, on se prend un 2 heures ce soir, on se fait couler un bain, même au niveau de la douche, moi je dis au bain, prenez, lavez au niveau du corps, mais lavez au niveau aussi de l'énergie. Tu sais, il y a comme une connexion qui se fait là aussi. Puis nettoyez, visualisez, un peu comme quand on apprend dans nos cours de spiritualité. Quand ça va pas bien, là, prenez une bonne douche, voyez tout le noir qui coule dans le tuyau de la douche. Ouais, ouais, ouais. Puis ça nettoie au niveau de l'énergie, puis c'est magnifique. Non, c'est un art de vivre, c'est une philosophie, en fait. Mm-hmm. Ça va au-delà de la simple pratique sexuelle. Là, c'est vraiment une façon d'exister, une façon de se redécouvrir en tant qu'être. Puis une façon de voir la vie aussi. Exactement. Ben moi, comme tu le vois, c'est une façon, de ce que je vous entends depuis tantôt, de tirer le meilleur de l'énergie sexuelle de chaque personne pour l'utiliser à ses fins, à ses propres fins, dans le fond. Là. Comme vous dites que vous avez écrit vos livres là, avec cette énergie-là. À son propre pouvoir. C'est comme si on est assis sur un puits de pétrole, puis là, si tu l'envoies à qui le veut, ben là, tu le perds, tu sais. Mm-hmm. Mais si tu prends le temps de le canaliser, mais ça, c'est en écoutant son cœur. Moi, je dis tout le temps, puis il y en a qui m'ont dit, il y en a qui disent de retenir, puis ben, moi, cette période-là, j'avais envie de vivre ça. Mm-hmm. Parce que j'avais envie d'expérimenter ça. Je l'ai pas fait parce que dans un livre, ça me dit, fais ça, mm-hmm. tu sais. Non, j'ai envie de vivre ça, je le fais. Si j'ai envie de vivre une expérience avec mon amoureux, puis j'ai envie d'avoir 6 éjaculations, puis que dans le moment présent, c'est ça, puis que j'ai envie d'avoir 8 orgasmes, ben go, on y va. Puis là, je vais vivre autre chose, là, tu sais. Pierre est subjugué par votre 8 orgasmes. Mon Dieu, c'est pas beau. Écoute, vous nous donnez tous envie d'aller sur des formations tantriques. Soudainement. Je sais pas pourquoi, je pense que vous allez avoir beaucoup d'inscriptions après notre émission. Venant de toi, Pierre. Non, mais je peux me déplacer. Si vous avez un petit local à me louer, là, je me déplace. Puis pour les formations, c'est combien de personnes, hein? Ben, habituellement, je vois pas plus que 6 couples. OK, fait 12 personnes. Est-ce que ce serait mieux, tu sais, des fois dans des formations dans le même genre, ma copine est déjà allée dans des formations qui n'étaient pas nécessairement sur le tantrisme, mais plus spirituel, lui conseille de ne pas nécessairement y aller avec des gens qu'on connaît. Est-ce que c'est un peu le même principe? Ça pourrait-tu poser des blocages? J'imagine que le tantrisme, c'est différent parce que ça se pratique J'irai en couple, mais je ne sais pas si je serais prêt à y aller avec des gens que je... Je ne sais pas si vous me suivez, des gens que je connais intimement, mais avec qui je ne partage pas l'intimité sexuelle à tous les jours. Ouais, mais honnêtement, moi j'ai au début des ateliers, j'avais beaucoup de célibataires qui me disaient, Linda, fais des ateliers pour les célibataires. Au début, j'ai essayé d'en faire. J'ai vécu des expériences. Ben, les gens vivaient des expériences, il y avait des malaises parce qu'il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup d'éducation à faire. Là. Ouais. Fait qu'il y a beaucoup d'hommes qu'eux autres, ils voyaient ça un beau prétexte pour pouvoir flatter une fille. Pis, Mon Dieu. Fait que là, à un moment donné, il y avait des malaises. Les hommes sont pas comme ça, voyons. Non, ça m'étonne. Je suis pas de même, moi, toi non plus. Ben non. Quand on comprend vraiment puis quand on ressent exactement ce que c'est le tantrisme, il n'y a pas de confusion comme ça puis il n'y a pas de malaise. Ouais. Mais non. Souvent, moi j'ai arrêté, mais je dis aux gens, si tu n'es pas en couple, tu peux venir avec une bonne amie. Puis souvent, ça va être très révélateur, mais sur d'autres plans. Des fois, ça va être sur d'autres plans, ça va être révélateur. Vous créez des couples. Pardon? Vous créez des couples. Oui, oui. Ben, des fois, c'est arrivé que la personne a fait comme, ben voyons, tu sais, comme dans l'énergie, avec comme quelque chose de spécial. Ouais. J'ai une question pop culture, mais je ne sais pas si Anthony est en eux qu'on pose des questions. Non, ben c'est parce que je vois l'heure défiler et défiler, puis je me dis, notre invité va. Non, je vais vous charger plus cher, c'est pas grave. Et voilà, simplement. Ben, voyez-le comme des formations, des portes qui s'ouvrent à Trois-Rivières. Je ne sais pas si vous avez écouté, je me sens un peu gêné de parler de ça, mais Occupation Double, il y a eu une scène qui a fait beaucoup. Ben, c'est sûr que vous l'avez entendu parler, qui a fait beaucoup parler. Mes deux filles m'ont mis le lien tout de suite, la même. OK. Est-ce que ça, c'est une forme de tantrisme qu'on a vu avec, pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle? Il y a deux personnes qui ont fait une espèce de yoga, puis ils se sont mis comme à se regarder. Je pourrais imiter les bruits avec ma bouche qu'ils faisaient, là, mais je vais m'abstenir, je vais laisser Natacha le faire. Sinon, ça va. Mais bref. Oui, c'est exactement ça. Ouais, c'était vraiment ça. Puis il s'est plate parce qu'ils ne l'ont pas dit. Ils ne l'ont pas souligné, mais oui, parce que moi, mes filles, ils m'envoyaient des gros messages urgents. Maman, va voir sur le site, ils viennent de faire du tantrisme, parce que les autres, ils ont quand même vécu, c'est quoi, des ateliers. Mm-hmm. Puis c'est exactement ça qu'ils ont vécu, c'est une grosse connexion. Puis voyez-vous, ils ont eu de la misère un peu à décrocher de ça, parce que c'est tellement fort. Mais moi, je dis que des fois, t'accroches parce que t'as une expérience à vivre pour te libérer de certaines choses. Peut-être eux autres, il y avait des choses à comprendre parce qu'il y avait beaucoup de dépendance dans ce couple. Ouais, c'est ça, c'était pas nécessairement des gens sains en plus, tu sais. C'est ça, fait qu'il y avait comme quelque chose à vivre là-dedans. Puis souvent, on s'explique pas pourquoi tu vis une grosse connexion avec une personne. Puis des fois, ça nous choque de dire, ben voyons donc, comment ça j'ai vécu cette expérience-là si forte. Mais finalement, tu travailles sur toi puis tu te rends compte des fois... La raison, il y avait comme un petit cadeau caché à l'intérieur qui fait que tu te dis, OK, c'est pour ça. Mais, tu sais, la vie nous envoie les expériences tant qu'on n'a pas compris, hein. Madame, est-ce que le tantra, vous le faites, parce que j'ai entendu parler, moi, on arrive dans d'autres choses, du yoga nu. Est-ce que le tantrisme, les gens sont habillés, hein, sont pas nus quand vous le faites? Oui, moi, ce sont habillés parce que je veux attirer un genre de clientèle, c'est ça. Okay. Comme je vous dis, le dernier atelier, c'est un massage tantrique. Moi, je propose d'emmener leur costume de bain. Mais à date, comme je vous dis, il n'y en a jamais qui ont pris la décision de se mettre nu. Okay. Parce qu'ils ne voyaient pas la nécessité. Parce que c'est au-delà, hein? C'est au-delà de tout ça. Oh, oui. Fait que, mais c'est sûr que si tu vas faire un cours dans un club échangiste, peut-être que là... La pratique va être différente. Pour l'avoir exploré aussi, il y avait une ouverture différente, mais en même temps, c'était dans un respect total qui m'a émue. Qui m'a vraiment émue. OK. C'est intéressant à entendre. Mais, comme d'autres pratiques, comme notamment la pratique du BDSM, comme la pratique de l'échangiste, c'est toujours... ancré dans une culture de respect et de consentement mutuel qui est indissociable. Fameux consentement. Oui, mais en même temps, il y a beaucoup de jugements. Tu sais, il y a beaucoup de jugements autour de ça. Fait que c'est ça qu'il faut se libérer. Mm-hmm. Parce que tous les jugements qui tournent autour de ça font qu'à un moment donné, ben moi, en tant que conférencière, tout ça, quand on m'approche dans ces milieux-là, je suis toujours sur une réserve parce que ça fait 5-6 ans que j'ai une crédibilité dans le monde médiatique. Je veux la garder. Puis c'est fragile parce que là... Ah oui, moi, c'est très fragile. Autant qu'on prend des années à se faire bâtir une réputation, autant ça peut prendre 5 minutes à la Surtout dans la dernière année. Tu sais, des choses mal interprétées pourraient causer des problèmes. Des inconduites sexuelles. Mais j'en viens encore là-dessus. Est-ce que vous avez connu le mouvement Bhagwan des années 80? Non. Quand j'ai commencé dans le tantrisme, la seule chose qu'on me parlait, c'était... comment est-ce qu'il s'appelait, là, dans... il a fait la polémique parce qu'il était accusé d'harcèlement sexuel. C'est un petit gars, voyons son nom, Michel. Il faisait Richard Glenn. Oh, oui, mon Dieu. Ésotérique expérimental. Qui passait à la télévision communautaire. Oui, puis là, lui, quand j'ai commencé là-dedans, moi, je le connaissais pas vraiment. Puis là, on m'a dit, mais là, il y avait beaucoup de... Le monde m'appelait, puis là, il me disait, mais là, ça, il s'est fait accuser d'harcèlement sexuel. Mais ça, dans tous les domaines... Je veux dire, il y en a qui sont pas sains d'esprit. Un ancien professeur d'éducation physique qui se faisait passer pour un grand penseur, un gourou du sexe. Là. Mais c'est que les personnes malhonnêtes vont chercher des portes d'entrée. Il y en a dans tous les milieux, dans le milieu gay, dans le milieu BDSM, dans le milieu du tantrisme, c'est certain. Les autres, ils cherchent la vulnérabilité. Exactement. Ah oui, oui. Puis moi-même, je me suis fait approcher et on va faire une genre de sec, puis tu vas aller chercher les gens fragiles. Excuse-moi, mais moi, là, c'est comme... Puis moi, je fais pas de consultation privée à cause de tout ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir me voir puis ils vont me dire... Ils vont vouloir que je prenne leur poussée. Ils vont me donner le pouvoir de changer leur vie. Mais moi, non, là. Moi, je les ramène toujours à eux. Fait que là, ils sont... Ah, OK, ça vaut pas la peine, là. Fait que non, il faut pas embarquer là-dedans. Puis surtout, le discernement, surtout dans ce domaine-là. Moi, j'en ai scruté un peu parce que j'ai voulu... Il y a ma prémo, à un moment donné, qui dans les années 70-80, qui avait écrit beaucoup de livres là-dessus. Puis même elle, elle m'a pas redonné de suivi là-dessus. Je voulais quand même la rencontrer parce que c'est une icône au niveau du tantrisme au Québec. Mm-hmm. Là, elle est rendue en 80-90 ans. Mais je sais qu'elle a beaucoup donné, sauf que au niveau médiatique, dans ce temps-là, c'était fragile... Parce que c'était vraiment mal vu. Parce justement, Nathalie Mo était une adepte de Bagwan, qu'on appelait Osho. Osho. Osho, ouais. C'était assez. Dans la fin de sa vie, c'était assez spécial. Il y a eu beaucoup de polémiques là-dessus. Hein, oui, c'est lui. Ça, exactement. C'est... Les gens qui étaient. Oui, il est mort, je pense, aux États-Unis, hein. Ouais. Même Osho, il y en a qui ont été à son temple, parce que eux autres, lui, il y a un temple, là, Osho, en Inde. Oui. Puis c'est une sexualité qui... En tout cas, pour moi, c'est pas l'image de ce que je veux représenter. Puis c'est là que je vois, je suis dans le tantra rouge, dans l'amour, dans la complicité avec l'autre, parce que ils sont provocateurs. Ça a l'air qu'ils vont dans la ville, puis ils pratiquent le tantrisme quasiment devant le monde, là. C'est pas ça, tu sais. C'est pour ça qu'il faut faire attention, puis qu'aujourd'hui, comment l'actualiser, tu sais, si c'est ça que toi, tu veux, tant mieux, vas-y, mais moi, c'est pas ça que je veux représenter, puis c'est pas ça mon approche. Okay. C'est vraiment au niveau du couple, au niveau de l'amour pour soi, pour l'autre, Mais en tout cas, avec une certaine ouverture. Mais en tout cas, c'est intéressant aussi qu'on va penser à quelque chose pour... L'année prochaine, éventuellement. Je suis très ouverte. Bon, ben, c'est ouvert. On lance l'invitation et le projet à nos collègues de l'Association des étudiants en sexologie. Bon. Ben, Madame Bisson, Madame Bisson, c'est tout le temps qu'on avait. Même, on en a pris un peu beaucoup plus avec vous. On est désolé, mais en même temps, vous êtes parfait. Tellement intéressante que. C'est parfait. On rappelle que vous êtes. Auteur, conférencière, vous donnez des ateliers, vous donnez... et bien sûr, on peut vous retrouver sur lindabisson.com ou par Facebook. On va mettre aussi. Le lien. On va mettre la... Super, fait que je vais terminer. Est-ce avec que vos livres sont disponibles en librairie? Oui. Puis je vais terminer avec une de mes citations. Lorsque l'on découvre le tantrisme, on commence à faire l'amour comme des dieux. Oh, wow! Mon Dieu! Moi, je remplacerais « commence par continue » dans mon cas, là, mais... Alfonso, il est quand même assez... Il est pas si humble que ça, hein? Non, mais on l'aime. Un gros merci! Merci beaucoup! Merci à vous, c'était super le fun! Bonne journée! Bonne journée, bye-bye! Bye! C'était Madame Linda Bisson. Hey, nous, on vous quitte pour une courte pause... Une courte pause tantrique. Profitez bien de la pause. Je pense même qu'on... Non, on va faire une pause. Standard. Et voilà. Sur ce, touchez pas ce piton-là. Ben non, c'est pas un orgasme auditif. C'est seulement C'est fou le sexe sur les ondes de C'est fou 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Du lundi au vendredi, Mathieu Plante, Tania Baudin et leurs collaborateurs sortent l'artillerie lourde. Sciences, sport, vocabulaire, voyage, politique, télé, actualité. Littérature, improvisation, malbouffe, publicité, société. Assemblage requis, c'est une émission bâtie pour durer. Assemblage requis, du lundi au vendredi, de 7h à 10h. Édition week-end, les dimanches à 15h. Assemblage requis, aujourd'hui. Ici. 7 avril prochain au cabaret de l'amphithéâtre Cogeco, Trois-Rivières Métal en collaboration avec Long and McQuaid, Lapis Rock et Sifu 89.1 présente le Trois-Rivières Metal Fest 15e édition. 14 groupes sont deux joueurs mettant en vedette Despised Icon, Jungle Rot, Beyond Creation, Anonymous, Open the Grave et Cato Decapitation. Billets pré-vente à la Puce Rock, chez Béton Punk et en ligne, amphithéâtre-cogeco.com au prix de $46 pour un soir, $74 pour les deux soirs, quantité limitée. Et si c'est 7 avril, c'est un rendez-vous à l'amphithéâtre Cogeco pour l'événement métal de l'année. Pour tous les détails, visitez le 3RNF.com. Vous souhaitez découvrir de la musique de partout dans le monde et de nouveaux artistes? L'émission Le Trotteur est pour vous. Afrofunk, Fado, Bluegrass, Zouk, Ethio Jazz et autres styles de musique se rencontrent pour un beau voyage auditif tous les mercredis 19h sur les ondes de CFU 89.1. C'est 89.1. De retour à C'est fou le sexe. On vient juste d'avoir eu l'entrevue avec Madame Bisson qui a été fort intéressante et fort généreuse de son temps. On la remerciera jamais assez. Les auditeurs, je pense qu'ils sont très, très heureux de sa générosité, en effet. D'ailleurs, un thème très intéressant. Oui, ben écoute, je pense que c'est un des thèmes les plus fascinants qu'on a eu jusqu'à présent. Effectivement. Puis ça nous sort peut-être aussi un peu de confort. Oui, en effet. Puis, en même temps, ça m'amène le questionnement. Tu sais, est-ce que on est le tantrisme, c'est obligé de dire « Ah, oh, je fais du tantrisme » ou tu sais, tout le monde peut le pratiquer à petite dose d'une certaine façon. Ben oui, t'sais. Absolument. Il y en a peut-être qui le font sans même s'en rendre compte. Ça me rappelle le mindfulness où dans le fond, c'est d'être complètement présent dans tout ce que tu fais. Mm-hmm. De la pleine conscience. Pleine conscience, c'est ça. Toujours être conscient de chaque geste. Chaque geste, peu importe ce que tu fais, que tu manges, que tu fasses l'amour, que tu, je sais pas moi, que tu te promènes en forêt. Que tu travailles. Bien sûr, ça dépend de ton travail, mais si tu pètes du fumier, ça se peut que ça te tente pas. T'sais. Ah, écoute. Écoute, mindfulness, oui, bon, les odeurs, les odeurs printanières sont non bien agréables. Écoute. Parce que c'est la plus grande maladie du 21e siècle. Les gens ne vivent pas dans le moment présent. Mm-hmm. Comme en effet. C'est le McDo. C'est la rapidité, finalement. Mais Natacha, tu voulais continuer cette lancée-là. Avec ma petite chronique insolite. Tirée notamment du site. Oui, exact. Madame Bisson. C'est 11 signes que vous êtes prêts à explorer le tantrisme avec votre conjoint. Mm-hmm. Alors, en premier lieu, vous avez l'impression d'avoir fait le tour d'une sexualité conventionnelle. Vous avez envie d'autre chose, envie de renouveau. Avec vous ou votre partenaire. Vous êtes tanné du missionnaire. Exactement. vous êtes désabusé de la sexualité dite fast-food. Tu sais, l'auditeur qui nous parlait tantôt de Tinder, c'est un peu de cette vision-là de la sexualité, d'une petite vite faite entre deux cours à l'université. Mais tu sais, où tu prends le temps de prendre pleine conscience de ta sexualité, de tes émotions, de prendre un moment plus important que 15 minutes. En troisième lieu, vous ressentez une quête de mieux-être sexuel et global. Vous avez envie de découvrir, de vous recentrer à vos émotions. Un besoin de revenir à l'essentiel vous anime, que vous avez des valeurs profondes qui reviennent en vous, vous chercher. Le désir de vivre une plus grande profondeur dans vos relations intimes, qui pour vous... Je vois Anthony déconcentré par ce que Pierre fait. Les joies du live. Les joies du live. Tu vois, on a coupé ton micro parce que tu fais moi, je coupe ton micro, Pierre, quand tu parles pas, parce que sinon, on entend plein de bruits de fond. Plein de bruits étranges. Alors, ce que je disais, avec le désir d'une plus grande profondeur dans les relations intimes, l'authenticité, l'intégrité, la simplicité, c'est des mots qui vous feront vibrer. La quête d'exploration de nouvelles sensations, qui est comme l'invité tout à l'heure nous disait, c'est vraiment prendre pleine conscience de son corps, de toutes les sensations, des odeurs qui peuvent s'en sortir de ça. Le tantrisme, la sexualité consciente éveille chez vous une curiosité. Que vous voyez le potentiel de ça. Tu sais, si vous avez écouté justement notre invité, que ça vient vous parler, vous dites « Ah, ben c'est quelque chose que j'aimerais découvrir, que j'aimerais explorer. Vous avez envie d'en connaître plus sur le sujet. » C'est sûr que c'est une pratique que tu peux pas faire ça contre ton gré. Il faut vraiment que tu ressentes l'appel puis que tu aies envie de le faire, que tu sois prêt émotionnellement. Petite mini-parenthèse, juste pour dire que Madame Bisson, c'est quand même une pointure là, au Québec. C'est une des références, sinon la référence au Québec. Après 15 ans, c'est sûr que tu deviens un... Actuellement, là, c'est vraiment la « the must ». Ensuite, une quête d'éveil extatique. Extatique? Extatique. Oui. Extatique. De extase. Exact. Merci de me remettre à l'ordre. À l'ordre. Puis ici, ils disent vraiment les portes de l'illumination. Ah ben quand même. Quand même! Qu'une énergie sexuelle très forte est souvent mal canalisée ou libido à la baisse, que tu as envie de rechercher, de te redécouvrir, comme la dame disait tout à l'heure. Et pour terminer, non, en fait, il y en a 11, j'ai rien dit. Le 10e, difficulté à vous connecter à vous-même ou à vos partenaires. Que les gens qui ne se connaissent pas nécessairement très bien, qui ne savent pas comment se faire jouir, fait que à ce moment-là, c'est difficile de pouvoir donner des petites pistes à l'autre de ce que vous aimez. Il faut bien se connaître. Effectivement. C'est la première, première chose à faire. C'était vraiment intéressant ce qu'elle disait quand elle disait... Merci de me couper. Ben, je renchéris ce que tu dis. C'est à croire que vous avez une connexion tous les deux. Vous arrêtez de vous estimer comme un couple. Oui, c'est bon, comme... Bon. Ben, Alfonso... On peut-tu continuer ce que je disais? Merci. Alors, en dernier... vous avez rencontré l'âme sœur, une espèce d'âme sœur au niveau mais peut-être toi puis Alfonso dread là. C'est oh non Natacha, t'as fait... c'est parce que vous me coupez dans ce que je dis. Ben non. Ben tu l'as pas fait du tout ce matin à personne. Je me fais chicaner en ondes live. Live, okay. Là. Mais c'est à ça. La rescousse peut-être de Natacha, s'il vous plaît. Peut-être que vous avez rencontré l'âme sœur et que ça vous a vraiment eu un titillement psychique et vous avez envie de connecter à tout d'autres sphères. Alors, bref, j'ai pris ces infos-là sur la page Internet de Mme Linda Bisson que vous pouvez aller consulter. Il y a des petits quiz comme ça. Il y a ses formations en ligne aussi. Que vous pouvez voir ce qu'elle offre. C'est fort intéressant. En tout cas, moi, ça m'a interpellée. Puis c'est sûr qu'à l'automne, je vous en reparle avec mes expériences personnelles. Les expériences de Natacha. Natacha. Natacha. J'ai envie de partir ton thème de là. Ben vas-y, écoute, lâche-toi lousse. Ouais, ben ça dépend si je l'ai, là. Si tu l'as, là. Faudrait si je l'ai. Ah, t'as un petit peu. Ouais, je l'ai. Bref, là, elle est violente. Pauvre. Natacha. Oh my God. On se croirait un peu dans le sud avec ce thème-là. Il manque juste un pinocchio. En croisière, non, sérieux? Ouais. Éventuellement, je vais vous la mettre au complet. Vous allez comprendre que non, c'est de la boîte. C'est une maudite chanson. Mais le thème est quand même assez intéressant. Je pense qu'Alfonso avait préparé. Ben oui, mais c'est ça, je me suis dit. On a la chance d'avoir trois invités. Il faudrait pas. On va en profiter. Ben là, on en a eu deux à date. C'est notre deuxième invité. Alors, on lui laisse place. On lui laisse place. Mais vous pouvez me couper, moi ça me dérange pas du tout. Ah ben, Natacha va s'en occuper. Ouais, c'est ça, je croyais pas que j'avais besoin de le dire. Donc, vraiment intéressant ce qu'on a parlé ce matin. Moi, ce que je voulais parler, c'était un petit peu l'énergie sexuelle, dans le fond. Ça revient un peu à ce que notre invité disait, à quel point la libido, dans le fond, c'est un petit peu l'énergie de vie, l'énergie sexuelle. Et puis, je voulais me questionner sur le mythe qu'on entend souvent, qui est, avant le sport, est-ce qu'on doit ou non avoir des rapports sexuels? Donc, on entend souvent dire les boxeurs de ne pas éjaculer. C'est ça, ouais. c'est se masturber jusqu'à la retenue de... Frustration sexuelle. Donc, on va un petit peu... Qui va être plus agressif. Faire ou défaire ces mythes-là. Avant de commencer, vous, votre opinion, ce serait quoi? Vous pensez quoi? Ben, que ça les rend plus agressifs, là, que c'est... Donc, toi, Natacha, tu penses que c'est pas un mythe? Ben non. OK. Ouais. Moi, j'ai des amis qui jouent au football au secondaire puis que leur coach leur disait de faire ça. OK. Anthony? Oui, non, je pense que ce n'est pas un mythe. Je pense que, sérieusement, l'abstinence, ne serait-ce que l'abstinence, amène une certaine énergie supplémentaire. Si on peut prendre comme exemple, après avoir fait l'amour, on veut dormir, hein, nous autres, souvent. T'as pas le goût d'aller... courir un marathon. C'est ça. Non, c'est ça. Déjà, prendre sa douche, c'est limite. OK. Et j'ose pas poser la question à Pierre parce que j'ai l'impression qu'il a la réponse. Quelle est, tu penses, ma réponse? Vas-y donc. Moi, je pense que... Ben, moi, c'est que moi, je sais si c'est un mythe ou pas. J'aimerais quand même entendre ton... ton point de vue, Pierre. Ben, si tu veux saboter, admettons, la performance d'un athlète, tu vas demander à des filles ou des filles consentantes à aller dans sa chambre. Exactement. Il y a des équipes sportives. Là, t'es en train de voler la fin de ma chronique. Moi? Oui. Ben, c'est que je pense. Je savais pas c'était quoi. J'ai posé la question, donc il fallait que je m'y attende. Elle fait pas juste te couper, elle te sabote. Elle te sabote. J'ai repris le mot de Pierre. Donc... d'où ça vient cette croyance-là? Ça a commencé il y a vraiment, vraiment longtemps. Platon, déjà 444 ans avant Jésus-Christ. Dans l'Antiquité, là. Grand philosophe disait « Les compétiteurs olympiques devraient éviter l'intimité sexuelle avant les courses. » Et puis, on parle souvent que cette croyance-là qui est liée à la boxe, Mohamed Ali, vous connaissez tous le boxeur Mohamed Ali, oui. Ouais. Et lui, il prônait l'abstinence avant chaque compétition. Donc, j'ai fait... Pour ça, je fais pas de sport. Ouais, c'est ça, ça devient complexe. Donc, une étude de ESPN, du magazine ESPN, a révélé d'ailleurs aux Jeux olympiques, je pense que ça avait fait les manchettes, il y en avait qui l'avaient entendu, il y a beaucoup de sexe au village, c'est ce qu'on disait. 70 à 75% des athlètes olympiques présents lors des derniers Jeux olympiques auraient eu des rapports sexuels pendant les... puis ils avaient distribué plus de 100 000 préservatifs, puis il y en a 75% qui ont été utilisés. Donc, okay, c'est quand même assez impressionnant. Comment ils font pour savoir ça? Ils récupèrent les ben, usagers? Je sais pas trop, mais... Écoute, il y a des femmes de ménage, puis ils calculent. Qu'est-ce qui causerait ça? C'est... peu de caméras présentes. En fait, les caméras sont interdites au village olympique. Puis, j'imagine que voir défiler des corps musclés en permanence, ça doit avoir un certain impact. Donc, premier mythe, la frustration sexuelle ne permet pas d'être plus agressif sur le terrain. Ah ouais? Donc, c'est ce qu'on dit. C'est faux? Ce serait faux, ouais, que la frustration sexuelle... Donc, certains gens diraient, exemple, la masturbation jusqu'à atteindre presque l'orgasme ou le coït interrompu. Ce serait faux, en fait. Même qu'en 2006, les joueurs de l'équipe nationale du Costa Rica ont été privés de leur conjointe pendant leur voyage en Allemagne pour la Coupe du monde de football. Ça n'a pas nécessairement fonctionné, mais là, encore mais là... Mais on ne sait pas, sait pas ce qu'ils faisaient. Puis, ça va, je vais revenir à un point où, que tu as parlé tout à l'heure. Puis pourtant, dès 1999, une étude du sexologue Emmanuel Jani d'Italie a démenté la théorie selon laquelle une période de 3 mois sans activité sexuelle diminuerait le taux de testostérone dans le sang. Donc, ce serait le contraire. À partir du moment où il y a une diminution d'activité sexuelle, le taux de testostérone aurait tendance à diminuer. Donc, ça, c'est le premier mythe. Deuxième mythe, un rapport sexuel sommaire ne peut pas vous épuiser. Donc, souvent, les gens vont dire, on va faire l'amour, on va brûler beaucoup de calories, alors qu'un rapport sexuel brûlerait en moyenne que 25 à 50 calories, ce qui est l'équivalent de monter un escalier de 20 marches. Juste ça? Mais ben là, c'est pas tant. Fuck le sexe, d'abord. Je pense pas. Je pense pas que la veille ce qu'ils disent là-dedans, la veille d'un événement sportif, c'est pas parce que t'as brûlé 50 calories la veille en faisant l'amour que tu vas nécessairement être épuisé le lendemain. Puis au contraire, des études démontrent que le sexe atténue les douleurs musculaires chez les femmes et renforce les muscles chez les hommes. Parce que toutes les... J'imagine, tout dépendant des positions. ben, ça peut être dit comme ça. L'hélicoptère moldave doit être un petit peu plus... L'hélicoptère moldave. Tonifiant. Est-ce que tu peux nous en parler? Donc, je peux te montrer des vidéos. Ce que ça dit, c'est une personne qui fait exemple surtout les femmes qui vont faire des marathons, qui vont courir des longues distances, le fait d'avoir atteint l'orgasme peut améliorer leur endurance à la douleur. Et chez les hommes, ce qui est assez particulier, c'est que plus il y a des rapports sexuels, plus le niveau de testostérone est sécrété. Mm-hmm. Donc, d'une certaine façon, les athlètes vont prendre la testostérone pour obtenir des meilleures performances. Ouais, ouais, donc, ce serait complètement un mythe de dire que les rapports sexuels peuvent nuire à la performance. Et à l'inverse, parce que ça augmente la production de testostérone. C'est ça, exactement. Donc ben, faites l'amour pour pouvoir performer. Exact. Puis certains sports, comme le tir à l'arc, ou des sports qui méritent, qui demandent une certaine dextérité puis une certaine concentration. Merci, Pierre. vont même ces petits bruits de fond, hein? On dirait que des fois, Pierre, il s'ennuie. Je te dis, Pierre, la prochaine fois, je te menotte à ta chaise. Il est hyper actif. Oui, Natacha. Ah, ben là, la réponse est surprenante. Donc, elle est malaisante, je dirais plus que ça. Donc, certains sports, effectivement, qui méritent un certain contrôle psychologique, comme le tir à l'arc, peuvent être aidés par le fait d'avoir des relations sexuelles. Mais là, on en revient à ce que disait Natacha au début de la chronique. C'est qu'il y a certains entraîneurs de sport, peut-être Pierre connaît Scotty Bowman, qui était l'entraîneur des Canadiens longtemps, qui avait des techniques particulières, genre repeindre la chambre des joueurs la veille, de l'équipe adverse la veille, juste pour les déstabiliser. Mais plusieurs entraîneurs ont été reconnus ou équipes sportives pour envoyer des prostituées, de l'alcool et de la cocaïne les veilles de match. Donc, question de les magasiner. Donc, ce que dit l'étude, c'est que... Cocaïne, pas sûr, mais... C'est que, dans le fond, le sexe aurait aucun impact sur les performances. Cependant, l'alcool, l'atmosphère de fête et le reste pourraient en avoir. Donc, c'est sûr que l'athlète, si on prend exemple les joueurs de hockey qui viennent jouer à Montréal. Ouais, mais ça, c'est on pour, aime ça. C'est direct pour toi. Donc, si exemple, les Flyers de Philadelphie viennent jouer à Montréal et qui passent la soirée sur la rue Crescent et une reste de la soirée, je sais pas où sont leur hôtel avec des femmes dans leur hôtel, ça se peut que le lendemain, il y ait les jambes molles. Donc, je vois pas de quoi tu parles. C'est plus ça qui va causer. Et puis, on parle aussi de pas d'éjaculation 2 heures avant un effort sportif, ce que je pense qui est normal, qui va avec l'effet rétracteur un peu, qui va avec l'effet rétracteur. Par contre, moi, ce qui m'intéresse tout m'intéresse dans ta chronique par ailleurs, mais il y a un des éléments qui m'intéresse particulièrement, c'est quand tu dis où ça augmente pour les sports de concentration. Où ça augmente la capacité de concentration. Mais c'est pour les TDAH, est-ce que le sexe est la solution? Fuck le Ritalin. Pour vos études. Pour vos études. Je suis TDAH. Y a-tu des volontaires? Écoute, je suis TDAH aussi. Est-ce que ta femme est à l'écoute? Ma femme n'est pas à l'écoute, actuellement. On l'en remercie. Mais il a enlevé toutes les radios chez eux. Ouais, non, c'est ça. Non, en fait, il paraît juste si elle est volontaire, moi, ça me va. Là. Écoute. Ça en fera déjà une. C'est ça, dans le fond. Puis même Freud le disait, que ça pouvait causer de l'anxiété, les gens, justement, qui n'avaient pas une vie sexuelle épanouie. C'est d'autres petites lectures que j'ai faites. Peut-être que ça crée le TDAH aussi, qui sait? Qui sait, peut-être que la frustration sexuelle crée le TDAH. Écoute, Natacha et moi, on expérimente là-dessus. On vous en reparle dans quelques... Donc, si je comprends bien, vous allez vivre de la frustration sexuelle pour les prochains mois? Ben, je pense que... Bon, non, mon je, pense que déjà... je pense que c'est déjà fait. Bon, c'est déjà fait. Non, j'aimerais pas connaître ton job. Ouais, d'ailleurs, tu nous en parles pas souvent de cet homme-là. Ben non, hein, j'aime 10 garder, minutes pour nous en parler. Écoute, moi, j'aime garder ma vie privée privée. Ah ouais? Alors, bref, on change de sujet. Merci. Donc, c'est ce qu'il en était. C'est ce qu'il en était, mais c'est fort, c'est fascinant. Mélanie me demandait par rapport aux femmes. Il n'y a pas beaucoup d'études qui sont faites par rapport aux femmes pour le même principe. J'ai trouvé une étude sur l'abstinence sexuelle, ça avait des effets néfastes pour les femmes. Puis, dans le fond, ce que j'ai trouvé, c'est ça, souvent, ce qui est résultat, c'est la frustration et la baisse d'estime de soi. Parce que, dans le fond, une personne, ah, ben quand même, dans la société qu'on vit aujourd'hui, certaines personnes vont se valoriser par rapport à ça. Puis, une femme qui peut être sans partenaire sexuel pendant une longue période peut se retrouver avec une estime qui peut diminuer. Intéressant. Ben, je suis d'accord avec ça. Pierre, oui, t'es de... Si tu as une relation sexuelle pendant un certain temps, puis ton partenaire ou ta partenaire te met de côté, ça peut miner... Ouais, puis. Mais pas uniquement chez la femme. Non, chez l'homme aussi. Je pense que ça peut créer une espèce de gap, si on veut, une espèce de. Je connais, j'ai pas le mot français pour un gap, mais une espèce de problème, dans le sens que plus la personne est longtemps sans avoir de relations sexuelles, plus elle peut développer une espèce de phobie par rapport à ça et en avoir peur. Donc. Ouais. Intéressant. Natacha? Dis-moi tout. Dis-moi tout. Que veux-tu savoir, Anthony? Écoute. Tu parlais de gangbang tout à l'heure à l'invité. Pourquoi tu as parlé de ça? Mais c'est parce que souvent, les gens, comme vont dire, une formation de tantrisme, vu que c'est quand même très érotique, très sensuel, très sexuel, les gens, pour avoir une connotation, bon, ben, écoute, faut le mettre en pratique, on est 10 dans la salle, ben. Il y a des gens qui ont de la misère à imaginer le fait que ça peut se faire habiller. Okay. C'est vraiment plus à ce niveau-là. Puis si on a bien écouté l'invité, c'était ce qu'elle disait. Ça c'était se passait tout le contraire. Vraiment au niveau des énergies, de la psyché, beaucoup plus que du... Puis tu peux avoir un orgasme tout habillé, là. C'est vraiment... Mais ce qu'on voit beaucoup en Europe, c'est que c'est souvent des invitations à l'échangisme plus que... Le tantrisme. Où les cliniques de tantrisme vont souvent tourner vers l'échangisme davantage que la réelle expérience tantrique, et c'est même dénoncé. Est-ce que c'est une espèce de, comment je dirais, de façon de contourner la loi que les clubs échangistes ont trouvé en France? Peut-être que c'est illégal là-bas, puis ils se nomment des clubs de tantrisme. Je pense pas. T'sais, un peu comme ici les saunas. T'es bas là-dessus. Comme les saunas, comme les comme la prostitution, comme bien des choses. On a détourné, on a joué sur les mots, sur les concepts pour rendre élastique un peu la morale ou les lois en vigueur. On dit que avant la prostitution n'était pas légale, maintenant elle l'est. Mais pourtant, ça n'a absolument rien changé. Les deux, ouais, c'est ça. On se souvient, on a fait une émission plus tôt l'année dernière là-dessus. Ben, il y en a eu une à l'automne aussi avec une réceptionniste. Mais je crois qu'on va s'en faire une au printemps ou je ne sais pas quoi. Mais c'est fort intéressant. Oui. Ce qui est fun, c'est briser les mythes que les gens ont avec, ces milieux-là. Ben oui, absolument. Et veux pas, quand on entre là-dedans... Il y a beaucoup de masseuses qui vont s'annoncer masseuses tantriques, alors que c'est pas nécessairement ça. C'est plus un massage petite vite. Des masseuses tantriques. Mais j'ai déjà vu un site internet par rapport à ça. Quand je fouillais pour mes recherches sur le tantrisme, il y avait une femme de Montréal qui était escorte, puis de ce que ça avait l'air, là. Puis c'était vraiment axé sur le tantrisme. C'était des 2-3 heures, vraiment. Ah, mais quand même. Okay. Ouais, c'est ça prenait 2-3 heures. Parce que moi, j'aimerais pas ça. Mais si, mettons, exemple, c'est écrit 90 $, 30 minutes, 180 $ l'heure. Puis là, C'est long, elle étire ça. C'est ça. T'as l'impression de prendre un taxi. tellement que ça devient cher. Une pièce la minute. Inévitablement, le tantrisme, on ramène ça à la nourriture. La comparaison fast-food et slow-food. Ouais. Slow-food qui est... C'est quand on va dans un set service où pas nécessairement que tu manges beaucoup, mais que tu vas manger longtemps. Ben, c'est pas dans la nature de l'homme, selon moi, de pouvoir, quand je dis l'homme, c'est homme-femme, consommer toute nourriture qu'il veut quand il veut. T'sais, à la base, il fallait aller la chasser. C'est un peu le même principe avec la sexualité aujourd'hui. Tu ouvres ton cellulaire et tu te fais pratiquement, c'est à peine, si c'est pas, ils viennent pas te chercher pour t'amener ces sites érotiques. T'sais, ouais, ils sont venus me chercher trois fois. Trois fois, ben c'est ça. C'est, il y a vraiment aujourd'hui... Lâchez-le, bâtard. il est tout bien avec bâtard. Lâchez-le. Non, mais oui, en effet, on dérape comme ça. Ah, vraiment? Oh my God! Oh, Seigneur. Mais c'est pas mal tout le temps qu'on avait ce matin. Ça a été un sujet qui a été vraiment intéressant. Passionnant, intéressant. Vraiment. Puis on aurait pu parler 2 heures seulement qu'avec notre invité. Oui. Facilement, puis je pense que... Au début, quand j'ai approché l'invité, elle était justement un peu réticente par rapport à sa réputation, par rapport au sérieux de l'émission, parce qu'inévitablement, on s'appelle « C'est fou le sexe ». C'est sûr qu'on n'est peut-être pas la notoriété de l'univers. Mais on est quand même capable d'être sérieux. À l'occasion. L'autre jour, dans le corridor, là, avant d'entrer, là, j'étais très sérieux. Non, mais on touche des sujets quand même très sérieux. Mais je crois que, Denis Lévesque s'est pré-enregistré. Oui. Ça fait une différence pour un invité comme ça. Ben, c'est sûr. Tu coupes ce que tu veux. On peut l'avoir, justement. C'est certain. Absolument. J'imagine qu'avec Google une petite recherche sur YouTube, il y a moyen de retrouver ça. Par ailleurs, nos émissions vont être mises en ligne éventuellement par Mélanie. Et rediffusées les samedis. Et oui, rediffusées. À quelle heure, hein? 19h? Oui, je te donne ça dans 3 secondes. Je pense que Pierre... C'est plus tard que ça. Oui, parce que la dernière fois, l'invité l'avait invité à la sortie du bar. À 19h. Non, c'est à 19h. 19h. Non, mais Conrad. Mais Conrad avait pas resté tard aux danseuses. Non, c'est parce que... Il devait être allé à but, c'est pour ça. Non, il a fait à croire qu'il est allé là, finalement. En tout cas, il pratique pas le tantrisme s'il quitte seulement à 19h. Non. Ça a pas quel été... Quel jeu de mots! Oh my God! Bon, ben sur ce, on va... Dernier mot de la fin, Nathan? Ben, en fait, où est-ce qu'on peut se procurer les billets pour le 27, le spectacle? Il va y avoir des kiosques jeudi de 10h à 15h. Est-ce que toi, tu en as? Ringuet. Oui, est-ce moi, que j'en ai. Les fans et les femmes. Ouais, si Natacha est présente, parce que la dernière fois, personne n'était venu se faire signer les fesses. Oui, je voulais faire. Moi, personnellement, j'étais retenu au café, étant donné que je suis barista. Mais. Oui, il y aura moyen de peut-être lui faire un petit coin sur la scène. Je pourrais signer des autographes. Non, sérieusement, Natacha, vous faites partie du spectacle? Ben non. Anthony, ne voulait pas de moi? Pourquoi? Pourquoi? Il m'a dit. Grosse indécence, ça, c'est... Hein? Oui, non, c'est ça. Incontrôlabilité. Difficulté de gestion. Non, on s'est dit... Être trop sexy pour du burlesque, bâtard, on va tout arracher. Il y a plus envoyer des gens du Nouvelliste ou de Radio-Canada. On va leur demander. Écoute, je sais pas assez belle pour être présentable, ça va être ça. Natacha. Voyons. Moi, je l'avais vu seulement en photo. Il y a comme une petite pointe de rancœur. Je sens que je vais y écrire une scène d'être là pour l'inviter. T'es mieux? Ouais, t'as peu. Je te prends au mot, cher. Je te l'ai dit plein de fois, mais bref. On en rediscute. Fait que sur ce, chers auditeurs, revenez-nous la semaine prochaine. En force, la semaine prochaine, la journée sans oui, c'est non. Donc, bonne semaine. Je vous remercie, mon avril. Bon, bye bye. Bye.